Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de charmants invités. On n'enregistre pas comme d'habitude. Faut le dire aux gens, faut que potentiellement... Dire. Déjà, j'ai pas de casque. Déjà, Adrien n'a pas de casque. C'est d'habitude, j'en ai. C'est une catastrophe. On n'enregistre pas chez moi, on enregistre dans les locaux de Ninja et Associés, chez Vanessa Brien et Monsieur Poulpe. Et je profite pour les remercier quand même de nous avoir accueillis. On était des vagabonds du podcast et voilà, on est arrivés chez eux. Donc voilà, j'espère que le son sera quand même bien, potentiellement mieux que ce qu'on fait chez nous. Oui. Mais voilà, mais nous sommes avec... deux invités. Mon premier invité, il est l'un des streamers les plus suivis de France. Il a terminé un marathon de Paris, juste. Il a une émission de talk qui cartonne depuis septembre 2019. Si nous sommes une vieille baffe collée à un siège de cinéma, lui, c'est un popcorn premium. Oh. C'est Domingo. Oh là là, merci, merci. Intro. Ah, j'ai vu. T'inquiète, mets des patates dans t'inquiète. On en a plus rien à foutre. Streamer en vogue, on connaît les micros. Merci pour l'invite. Hein. Ça fait longtemps que j'écoute et tout, et très content d'être là. Bah non, mais ça fait plaisir que tu sois venu. Ça fait plaisir. Petit poème pour notre second invité. Comme un cosmonaute arrivant sur Terre, il apporte à notre hiver un parfum d'été. Il est arrivé sur son scout, essayant d'éviter les poids lourds, tandis que les rayons du soleil au sommet éclairent la banquise avec l'espoir d'une paix dans le monde. Car si on partage tous le même chagrin, la peur d'une vie sans lendemain, et que nous ne sommes jamais vraiment à l'abri des averses, on ne l'est pas non plus des beaux moments. J'ai essayé de caler tous les titres. Tu les as tous fait, ouais. Tous les titres de l'album, tout est trop beau. Mais enfin, quand même, fais les gros mots. C'est Maxence. Bien joué. Mais fais les gros mots. Ok, je vais le faire. À la fin, on fera un live. Il est venu sans bagage, comme échoué d'un naufrage. Dans les cales d'un cargo, il a quitté son île pour un monde nouveau. Loin des bidonvilles, sabord célestial, au Ménielite, il danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. C'est Adrien Méniel. Bah oui, merci. Hey. J'ai mis du temps à la reconnaître celle-là. Ouais, j'ai galéré un peu à la trouver. C'est Au Macumba, c'est ça ? C'est Au Macumba de Jean-Pierre Madère. Une chanson qu'on a un peu oubliée. On embrasse Magla qui devait venir avec nous aussi, qui était invitée et qui malheureusement a eu un petit contretemps. Mais voilà. Qui viendra dans une très prochaine émission. Elle bien était sûr. Déjà venue. Et elle reviendra et on lui envoie énormément de ce fort, hein, je crois. C'est on est dans un game. Ouais. On envoie un maximum de ce fort. On commence l'émission avec la première rubrique, les news du Floodcast. Les news du Floodcast. Il va changer. Ah, oui. Moi je m'entends pas. Il va changer. Je sais qu'il est atroce. Il va changer. C'est bien Adrien qui le fait. C'est Adrien. Adrien qui l'a écrit. J'ai la preuve. Il l'a dit tout à l'heure. Et qui, voilà. Je ne fais que les pubs. Faut que tu saches, Domingo, j'ai fait ces jingles complètement à l'arrache. Ouais. Ils sont vraiment nuls. Et Adrien les déteste. Mais pas du tout. Adrien, que des je le vois, il est exaspéré tout à l'heure. Il est en larmes. Il est en larmes. Non, le truc, c'est que tout le monde croit que c'est ma voix. M'en dirait et donc, un peu, du coup, à chaque fois qu'il y a le générique, les gens me regardent et je dis, c'est pas moi. Pour se dédouane. À César. Bah oui. Et du coup, Flo, cette réaction pense que ça veut on dire que je t'as déjà arrêté dans la rue en disant, c'est toi le mec du jingle. Je suis allé en garde à vue pour ça parce que j'ai frappé les personnes. Tellement je les hais, ces jingles. Non, pas du tout. Mais on va quand même les refaire. Oui, mais tu vas faire des petites compos là, toi qui adore le clavier là. Un homme souffrait de crise d'épilepsie. Et on attends, a... pardon, désolé, c'est juste. J'ai le générique des. Enfin. J'ai un bug. Le zapping. Non. Rewind the Switch, non. Merci. Le zapping amazing. J'ai plus de casse, ça me déboussole. Ouais, je l'ai en tête depuis 24 heures. Voilà, je voulais le dire. Du coup, ça, c'est un très bon. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était la dernière phrase. C'est tous les streamers qui crient. Genre, pense que c'est les streamers qui puent, c'est Coro Bizarre. Ça, c'est toute une ambiance. Avec tous les streamers qui puent, peut-être un jingle à faire. Ouais, ça marche. Mais je l'ai en tête et je me retiens de le siffler devant toi parce que ça fait susboule. Genre, regarde, je siffle. En fait, en vrai, je le. Bon, là, tu l'as dit à haute voix. Non, mais voilà. Ouais. Mais ça arrive souvent, moi, quand je sais que je vais rencontrer quelqu'un que je vois et qu'il a fait par exemple une chanson, je l'ai en tête aussitôt et c'est terrible. Ah, et t'as envie naturellement de le faire et tu te sens le trop mal. Et après, quand il est là, tu te dis, il va croire que. Toi, t'as envie de faire les gros mots, je sens. Les gros mots, bah ouais. Un homme donc souffrait de crise d'épilepsie et on a retrouvé quelque chose dans son cerveau. À votre avis, qu'a-t-on retrouvé ? Sachant que là, on a quand même Domingo qui est avec nous, qui est aussi, alors pas des trucs aussi dégueux que celui-là, mais il y a des trucs d'actu, malheureusement. Actu PA. Tu risques d'être un petit peu avantagé. Celle-là, sur je ne l'ai pas. Celle-là, pas. Tu l'as pas. Bon, très bien. On en a deux, trois où tu seras peut-être. Ce n'est pas une pile. C'est un objet ? Ce n'est pas un objet. Ok. Est-ce que c'est une substance qui est naturellement présente dans le cerveau, mais en quantité plus importante ? Non, ce n'est pas ça. Mais bien joué. Ou qui est présente ailleurs ? Non, c'est pas une substance. C'est pas une substance, c'est pas un objet. Non. De l'air. Non, ce n'est pas de l'air. Attends, c'est dans son cerveau, je veux dire, dans son cerveau. Physiquement quoi. Il a passé 20 ans pensé. 20 ans avec ça. Non, ce n'est pas le youtubeur oui, y penser. Non, c'est pas dans son cerveau. Non, il a passé. C'est un truc qui a passé 20 ans dans son cerveau. Ah, c'est pas un objet. Non. Ah, un animal, genre un parasite. J'allais. Putain, ouais. Très bonne. Très bonne. Un insecte. Un ver. Oui. Oh non! Ah l'enfer! Oh là, attendez! Ah qu'il a respiré par le nez! Par l'œil! Ah, c'est horrible! Oh, on va se faire vomir! Non, alors c'est par un le cul! Il a fait une ligne de coke dans des chiottes! C'est un ver solitaire mort qu'on a retrouvé dans son cerveau. Quoi? Un homme de 38 ans, victime de fréquentes crises d'épilepsie, a récemment été hospitalisé à Boston. Les médecins se sont rendus compte que les crises étaient provoquées par la présence d'un ténia mort dans le cerveau d'un patient. Ce dernier a vécu avec ce ver pendant une vingtaine d'années. Donc comme quoi en colloque quoi. Mais vers solitaire ouais. C'est censé même capter qu'il doit manger des trucs dans le bide, non? Il s'est trompé de sang. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est remonté très vite, très la sortie. Tu sais, c'est quand tu sais comment c'est, après tu vas te faire demi-tour. Ou un malin centipède hein. Qui a mal tourné, je sais pas. Non, en gros, le Washington Post nous dit que l'infection avait disparu depuis longtemps. En fait, il avait déjà eu un diagnostic de neurocystéchondrose. Cause, voilà, bon, je le dis pas très bien. Mmh. Une infection du système nerveux central par des larves de ténia. C'est vrai qu'ils ne disent pas comment. C'est ça l'ambiance quand même. Ça me dégoûte. Les larves et tout, c'est vraiment le pire. C'est dégueulasse. Maxence va aller chercher sa bouffe. Voilà. Ouais. Il a essayé de le faire discretos, mais je le dis. Ça lui a donné faim. Je vais la manger et je reviens après. Pas de soucis. Est-ce qu'on l'attend, on fait une pause ou on fait pas? Non, mais je finis juste ça. En fait, il a passé 5 jours à l'hôpital. L'Américain a pu ressortir avec de nombreux médicaments. C'est fou, ça se combat avec des médocs. Ouais. Il a pas été opéré en fait. Ouais, non, il lui a pas ouvert le cerveau, le crâne pour l'enlever en tout cas. Il file des médocs, ça dissout le truc quoi. Ah, apparemment. Et ressort. Ouais, je sais pas. L'étude s'interroge sur la manière dont le ténia a pu arriver jusqu'au cerveau de l'homme. Ouais. Les médecins supposent que le ver a traversé les muscles et tissus avant d'atteindre le système nerveux central. Oh putain, ça peut faire ça. Le 3. C'est, non, fort, c'est horrible, c'est, là, fort. C'est des lemmings un peu. Là, ils peuvent s'amuser, se creuser. Le trentenaire a probablement mangé. Le trentenaire a probablement. Maxence, tu vois que t'es marrant. T'as mangé. Le trentenaire a probablement mangé un repas infecté par le ténia, peut-être la bouffe que Maxence devant lui. Oh, putain, alors qu'il vivait au Guatemala. Mais non, ce parasite est plus fréquent qu'aux États-Unis. Le ténia, c'est dans la viande, donc il est ah, bon, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vais monter un tout petit peu, parce que je trouve qu'il fait un peu frais. Voilà, je le dis. Je peux le faire. Hein. Ouais, ça a baissé, là, papa. Non, tu vois, tu fais n'importe quoi. Là. Là. Là. Là. Là. 26, ouais. C'est bloqué. Oh, y'a pas de sauce avec mes potatoes. De sauce. Y'a pas de sauce. Tu te moques de mon accent, ça. Ouais. De Nîmes. Le docteur. Oh, la private. C'est bon, on est reparti. Le secret aussi. Ouais. Yes. Allez. Secret de Nîmes. Oh. Un bodybuilder est passé près de la mort. Un bodybuilder. Peut-être un photomontage bodybuilder. Bodybuilder. Builder. Non, mais comment on dit? Builder. Non, mais en vrai, comment vous le dites? Bodybuilder. Oui, bah oui. Non, un bodybuilder. Builder. Ah, bulle peut-être, ouais. Ouais, bulle, ouais. Bulle, ouais. Bodybuilder. Ah oui, enfin, bien, ouais, c'est évidemment ça. Bodybuilder, en le disant. Bodybuilder est passé près de la mort il y a quelques jours après une attaque d'insectes, comme quoi. À votre avis, que s'est-il passé? Bah alors oui, bah désolé. Faut dire aux auditeurs, n'envoyez pas les news. Non mais faut le dire. N'envoyez pas les news. Des fois, en fait, les gens veulent participer à l'émission, ce qui est très cool. Si vous voulez les envoyer, envoyez-les sur le Twitter du Floodcast, mais ne mentionnez jamais Adrien, sinon il ne peut pas jouer. Quand je les vois, je fais voilà. Pour le coup, là, c'est pas le cas. Mais je demande du coup à Maxence et Domingo, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est un insecte qui a attaqué un bodybuilder qui a failli en mourir. Est-ce que c'est genre un insecte en mode un contre un contre le chien ou genre des fourmis, on en a des milliers quoi? Non, c'est un contre un. Ok. C'est contre le chien? Un bodybuilder, pardon, j'ai pensé à un bulldog. Oui, mais oui, voilà. Parce que moi, quand t'as dit ça, j'ai pensé à un bulldog. Deuxième montage à faire. Body bulldog, un chien très musclé. Pardon. Non, un bodybuilder, un Schwarzenegger quoi. Ouais, non, ça y est, je l'ai. C'est monté là, c'est bon. Un haltérophile. Oh oui. Non, c'est un seul insecte l'a attaqué. Une araignée? Non, c'est un truc un peu plus insolite que ça. Un scolopendre? Non. Un truc qui se nourrit de protéines et du coup le bodybuilder il en a tellement ah, que. Ah, pas con, c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, l'article ne le dit pas. Un seul, pardon. Non, c'est un seul, c'est qui vraiment. Vit... Normalement, c'est un insecte qui vit en communauté? Oui. Qui est gros, genre, il tient dans une main? Non. Une fourmi? Assez petit. Pas une fourmi. Une abeille? Pas une abeille. Pensez à un truc plus surprenant. Normalement, on n'a pas. En vrai, moi, je savais pas que ça attaquait cet insecte. Un gendarme? C'est un peu le truc qui est. T'es pas loin? Cafard. Sauterelle. Non, non, non, t'étais plus près avec gendarme. Gendarme. Même quoi si les gendarmes attaquaient, alors là, on a plusieurs. Là, hein. T'as dit quoi? Ah, ils attaquent à plusieurs, pardon. On est dans la même, un peu dans la même couleur. On est un peu dans les couleurs de la gendarme. Ah, une coccinelle, tout simplement une coccinelle. Et alors écoutez, ce mignon petit insecte ne pique pas, mais certaines espèces rares peuvent mordre. L'une d'entre elles a bel et bien mordu le pied de Reza, le bodybuilder. Reza du Wu-Tang. Du Wu-Tang. Ah, ouais. Le bodybuilder a fait une réaction, son pied s'est mis à enfler et est ensuite devenu tout noir. Les antibiotiques n'ont pas fait d'effet et une septicémie s'est développée. À l'époque, les médecins ont donné 30% de chances de survie au bodybuilder, mais il a une bonne étoile. Il s'est tout doucement remis de cette blessure pour le moins inhabituelle. Donc une coccinelle l'a mordu. Mais il a été amputé du coup le pied noir, j'imagine, t'en reviens plus lui après. Ouais, ouais, j'avoue. Non, le pied va mieux. Ah, ça, okay, non, okay. Il s'est guéri. Non, c'est une belle histoire, ça finit bien. Mais par contre, il a quand même des effets secondaires à cause des médicaments. C'est aussi des choses qui arrivent. Incroyable. Il est extrêmement maigre depuis. Non, il continue à se battre, mais il va mieux. Il se sent beaucoup mieux. Il se souvient de l'étape particulièrement difficile qu'il a traversée. Et aujourd'hui, ça le nourrit. Voilà, ça lui donne envie de se battre. Tout ça. Pas plus faire confiance au coccinelle, quoi. Ouais, mais ni au verre, ni rien. Quoi. Là, ça rend parano sur les insectes. La mort, quoi. Les ténias, moi j'adorais ça, je trouve ça trop mignon, un petit ténia. Ouais, tu lui caresses ta petite tête, et là en fait peut te tuer quoi, enfin, n'importe quoi. Mais cela dit, peut-être la mort la plus ridicule. Bah ouais, enfin, vraiment ouais. Sur ta pierre tombale. Foudroyé par une coccinelle. L'orteil quoi en plus. Mordu par une coccinelle. Surtout que le mec est en plus un body bulldog du coup. C'est une mort poétique. Enfin, je veux dire. Quand même quoi. Il s'est battu dans la rue. Non, il est mordu par une coccinelle. Il est mort. Oui, c'est fou. Est-ce que ça nous en dit pas long un peu? Oui, c'est ça, l'homme qui a voulu devenir plus gros que le bœuf et se fait attaquer par un petit colosse au pied d'argile. Oh oui, quel poète. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui a fait ça va, elle va pas te tuer. Ouais, elle va pas te manger. C'est pas la petite bête. Ouais. Arrête. Est-ce que vous avez des phobies d'insectes, de trucs, des choses qui vous font? Non, les insectes, ça va. J'adore les insectes. Sans déconner. J'ai une passion pour les insectes. Je collectionnais les fourmis. T'as vécu 3 ans avec une guêpe. J'avais une fourmilière chez moi, tu sais, dans une boîte quand tu vois les tunnels. Ouais. J'avais des Pourquoi J'avais des Messors barbarus. Tu nous dégoûtes. C'est quoi? C'est une espèce de fourmi du sud. Bah va te laver. Quoi? Elle a un accent. Non, alors elle fabrique du pain. Parce que moi je voulais pas leur donner des insectes morts. Du pain. Tu confonds avec les boulangers. Malheureusement, ça n'a rien à voir. Non, en fait je voulais pas leur donner des insectes morts. Tu confonds avec un fourni. Petit jeu de mots aussi, ça marche. Oui, c'est bien. J'ai bien aimé. Non, en fait, elles mâchent des graines. Je leur donnais des graines de pavot et d'autres graines. Et elles en font une espèce de petite pâté. Et c'est de ça qu'elles se nourrissent. Sans déconner. Ouais. Elles bouffent leur merde en gros, quoi. Non, elles le produisent. Elles le mastiquent. Et après, elles font des petites boules dans un coin, quoi. Ouais. Mmh. Ok. Ouais. Des traditions. Après, c'est comme Subway. Tu leur dis mais ça. J'ai arrêté parce que le prix a augmenté tout le temps. Le prix de la baguette. Et, du coup, à une époque, c'était 1 franc. Maintenant, c'est 1 euro. Trop bizarre. Non, ça m'a. Mais est-ce que t'as eu des insectes? Parce que moi c'était un peu ça, j'ai eu une souris blanche dans ma vie. Et est-ce que c'est parce que tes parents ne voulaient pas que t'aies un animal de compagnie? Non, j'en ai eu plein. Ah, t'en as eu plein? Je suis crevé. Juste t'aimes bien les fourmis quoi. J'ai eu des oiseaux en cage, j'ai eu un hamster en cage. C'est un peu horrible. Ouais, c'était terrible. Ouais. Je regrette. Bah ouais. Les poissons aussi, terrible. Ah ouais, t'as eu tous les animaux. Ouais, les poissons. T'es Noé en fait. Ouais, l'arche, hein, je parle, celui qui a fait l'arche. Bien sûr. Ouais. Non, pas Gaspard Noé, le réalisateur. Non, juste j'aimais bien. Peut-être cette sensation de se sentir Dieu qui est terrible. C'est honnête, c'est honnête. Les gens lui disent, je me sentais un peu seul. Non, mais moi, les écrasés entre mes doigts. En vrai, rappelons qu'aujourd'hui, t'es vegan, donc il y a eu du chemin à parcourir. Végétarien, pardon. Végétarien. Mais non, mais bien sûr, c'est pour ça que je le referais pas. Même les fourmis, en fait, en soi, j'aimerais bien en ravoir, mais je suis pas certain de l'aspect un peu éthique de la chose. Mais en tout cas, ouais, de toute façon, les sociétés de fourmis, c'est incroyable, et moi, ça m'a toujours passionné. Oui, c'est ça te fascinait. C'est parce qu'en vrai, t'as pas vraiment d'affection avec et de les voir vivre, quoi, dans leur truc. Oui, c'est ça, le côté dieu, c'est le côté observer une espèce de civilisation. Créer un petit écosystème, c'est ça. En fait, et puis même, tu vois, il y a vraiment des pros, ils font ce qu'on appelle des aires de chasse. C'est l'endroit où tu mets les insectes normalement, ils font des petits palmiers, des petits trucs. Enfin, tu vois, une espèce de petite terre. Moi, j'avais un truc un peu en mode un peu canyon. Ouais. Tu vois, où tu voyais les tunnels, enfin, c'était assez dingue. Oui, c'est tu dis ça, une reine, ça vit 25 ans. C'est fou. Ah ouais, ça peut accompagner. Elle est toujours chez toi. Mais oui, c'est ça qui est un peu triste. Elle a pris un peu plus aussi. De place maintenant. Ouais. C'est ça qui est un peu triste aussi. Ils vivent dans la baignoire, malheureusement. Dans les elle joints. Pèse 35 kilos de C'est terrible. PA, toi, dans les trucs d'insectes, ça te fait pas de fourmis, pas de fourmis. Ça te fait pas flipper. Non, serpent, je déteste. Ah ouais. Tu vois, c'est différent, mais serpent, ouais, je fais des cauchemars. Ah ouais. Où je rêve que, genre, je suis au milieu de pièces avec des serpents partout. partout, absolument dans tous les coins, des gros, des petits, des vifs. C'est vraiment, il y a tout quoi. Ah ça ouais, ça me met pas hyper bien. Ah ouais, mais t'as eu une expérience traumatique avec des serpents ou même pas? Indiana Jones, c'est ouais, Temple Maudit peut-être. Non, tu vois, les requins, il y a eu ça avec les Dents de la Mer, mais en vrai, non, les serpents, je sais pas. C'est... Ouais, même dans la campagne. Tu vois, je crois que les serpents d'eau, c'est le pire truc. Ah, ah oui, de les voir arriver. Tu vois, t'es dans l'eau et ouais, ça m'a fait un frisson. Ça m'a pas mis bien. Quand je fais du canoë là, dans le sud, il y en a. Ah ouais? Ouais. Mais ils sont inoffensifs, non? C'est pas des couleurs. Ils attachent pas, quoi. Je sais pas. Ah, tu vois, c'est vicieux. C'est ça, c'est que qu'est-ce qui ressemble plus à un serpent qu'à un autre serpent? Il arrive dans l'eau, tu fais bah. Moi, j'ai vu les méchants. C'est ça, moi, j'ai vécu dans la campagne, et donc il y avait des couleuvres et des vipères. Donc la couleuvre, elle est inoffensive, et le vipère, par contre, a du venin et peut te mordre et te. Enfin, voilà, t'es pas bien, quoi. Tu peux en mourir. Et ce que les trucs de la campagne, ils disaient, faut vérifier s'il y a un V sur la tête. Oui, bah c'est genre, tu prends le temps. Ouais, tu dis, bah grave, j'ai le temps de faire ça. Décale-toi un peu. Tu sors ton rapporteur. Ah non, mais c'est un isocèle, donc c'est bon. C'est isocèle, c'est couleuvre. Non, et moi j'avais marché sur un serpent dans mon jardin. Et tu t'es attaqué ou le truc, ça fait pff, comme ça, c'est repris sur toi. Et bah, il m'a. Est-ce qu'il a fini dans ta botte? Oh, salaud. Je me demande s'il a fini dans sa botte. Toy Story. Ah, oui, bien sûr. Mais par contre, moi, c'est la peur de. Je l'ai déjà dit dans un podcast, mais c'est la peur de. J'ai pas. En fait, tu me montres un serpent, il est là, je fais oh, ça va. Mm. Par contre, là, de marcher dessus, il fait comme ça. Oui, ça tient. Je crois que c'est un truc. C'était Louis de Funès, le serpent là, apparemment. Je crois que c'est normal, Flo, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, tu me montres un lion dans une cage. Ça va, ah, si il me dévore le visage. Mais il a sa griffe. Si il a sa griffe sur ma joue, ouais. Je suis moins serein. Moi, je suis moins fou, moins fan. Qu'a-t-on retrouvé? Alors ça, je pense que t'as dû le voir aussi, Adrien. Ah, mais oui. Désolé. Ça, ils l'ont envoyé pour le qu'a-t-on coup. Retrouvé dans l'anus d'un Anglais qui a semé la panique dans un hôpital? Ah, j'ai vu. Ah, vu. Bah non, bah alors on peut le dire si vous l'avez tout vu, Maxence, non, tu l'as pas vu passer. Non. Tu as le droit du coup à 3 essais vu que tous les autres l'ont. Alors est-ce que c'est animal? Alors non, t'as 3 essais, tu dois dire les choses, mais c'est pas un animal. C'est quoi ce jeu nul? Vas-y. C'est un objet. Oui. C'est gros. C'est très énorme. C'est un objet du quotidien? Non. Putain, j'ai cru que t'allais le dire. Ouais, ça partait bien. C'est électroménager? Non, c'est pas électroménager. Je vais te donner la réponse. Bon, allez, c'est un. Bah, peut-être vous pouvez nous le dire d'ailleurs, les gars. C'est un obus. Un obus, ouais. Alors, oui, je l'ai vu. Oh non, il a craché. Il a craché, le salaud. Des gueules. Alors, ce n'est pas n'importe quel obus. C'est vraiment un obus de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même le truc. Le mec il a dit non attendez, c'est pas n'importe quel obus. Au médecin qui lui ont retiré. Ah jugez pas comme ça. Il y a un aspect historique. C'est quand même un truc de collection. Ouais. Hein. Je pense qu'il est un peu dingo le mec. Ouais, cet obus de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvé dans un endroit tout à fait inattendu. Nous dit Le Point. L'objet a été retiré avant l'arrivée de la police. Le Point du coup? Le Point, le magazine Le Point. D'accord. Ouais. Non, s'il n'y avait pas de point dans l'anus de qui que ce soit, Maxence. Ça s'est passé au Gloucestershire Royal Hospital, dans l'ouest, Bodybuilder, dans l'ouest de l'Angleterre. La police et les démineurs de l'armée se sont rendus sur place, craignant une explosion. Le projectile a toutefois été ôté par les médecins avant même leur arrivée, donc il n'y avait pas de risque, le truc n'a pas explosé. L'objet a été retiré avant l'arrivée de la police et le service de déminage a été contacté. Ils se sont rendus sur place et ont confirmé qu'il n'était pas chargé et ne présentait donc pas de danger. Je pense qu'on peut dire qu'il a été droit au but. Alors comme d'habitude dans le Floodcast souvent les est-ce gens est-ce que vous avez mis des trucs dans le cul vous quand vous... Non mais souvent dans le Floodcast on a des histoires de gens qui ont des trucs bizarres dans le cul et c'est vrai. Comme tout le temps le patient a préféré déjà rester anonyme et a raconté au médecin avoir glissé et être tombé sur l'obus d'artillerie comme nous tous. Bien sûr. Je pense qu'en vrai il faudrait avant que tu fasses ça trouver une bonne ton excuse, raison. Ouais. Un petit tuyau si vous voulez vous mettre des trucs dans le cul un peu insolites. Ouais. Préparez votre excuse à l'avance. Mais je pense. Parce que là, il dit. Assumer. J'adore. Écoutez, en vrai, l'obus, tu peux l'assumer. Tu dis, objet les de gars, collection, tout ça. Les gars, j'ai mis un obus dans mon cul. En plus, c'est badass, quoi. Ouais, et voilà. À côté, bah oui, je me suis mis un obus dans le cul. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? J'ai pas glissé. Qui en a fait autant ici? Qui a trouvé un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le cul? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Est-ce qu'il venait de le déterrer? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Non, ça faisait partie de sa collection. Ça fait partie de son explication. Il dit je faisais le ménage, j'ai glissé, j'ai tombé et je suis tombé sur le. J'ai tombé. Ouais, ouais. Le mec. C'est un anglais. Il parle pas bien français. J'ai tombé. Et il a retrouvé avec l'obus dans le. Ou alors c'est une tentative de suicide un peu flamboyante. T'as un obus dans le cul. Mais en tout cas, sachez que le patient est sorti de l'hôpital et va très bien. Il suit sa convalescence parce que quand même le truc était assez massif. Mais sachez qu'il va plutôt bien. Et on le salue, on l'embrasse. La fin d'un monde. Voilà ce que je vous propose. Une célèbre enseigne. Alors PH, je crois que tu l'as déjà vu. Je crois que tu en as parlé dans le popcorn. Une célèbre enseigne va changer à tout jamais. On l'a tous vu. C'est Buffalo Grill. Napa qui Caro. Va s'appeler Napa Caro. Ouais. Buffalo Grill. Alors, sachez que y a les titres parfois en font un petit peu des caisses. Puisque ça va pas vraiment disparaître. Ça va juste changer de thème. Puisque Buffalo Grill, c'était les cowboys. Et les Indiens, ils ont décidé d'arrêter ça. Ça s'appelle comment tu dis ? Napa Caro. Alors, c'est pas ce que j'ai moi. En fait, il y a deux trucs, parce que je crois qu'ils changent en fait le groupe qui possède Buffalo et les autres boîtes qui changent de nom. Et je crois que Buffalo, ils se font un petit, petit truc nouveau quoi. C'est ça, parce que Napa Caro, c'est la grande société à qui appartient et Buffalo Grill et Courte Paille. C'est ça. Voilà. Donc, C'est pas ce que j'ai lu. Parce que, en gros, Buffalo Grill, pardon, ça va devenir House of BBQ. Donc ça va rester un truc de viande machin. En France, ça va s'appeler House of BBQ. C'est ce que dit en tout cas l'agence Marcel qui gère le truc. Pas simple à prononcer pour des Français forcément. Et très long. Excuse-moi, Buffalo Grill, quoique non. Buffalo Grill, ça va, tu vois. C'est juste pas la même langue. Mais ce qui est assez amusant, c'est que les patrons de Buffalo Grill ont tenu à rassurer la clientèle. Il y aura toujours la salade d'accueil. Ah, quand même. Les coloriages, bien sûr. Les coloriages, et ils chanteront toujours la chanson d'anniversaire, si c'est votre anniversaire. Voilà. La diligence des desserts. Bien sûr. Malheureusement. Mais alors pourquoi ce changement, ils ont dit ou pas? C'était de l'appropriation culturelle ou c'est non, quoi? Non, je crois pas. Ils auraient pu se draper de cette belle action, mais non. C'est peut-être même pour pas. Faire une homogénéité internationale, genre. Parce que je sais qu'il y en a aux États-Unis et donc ça se trouve, ils veulent un truc genre c'est le même nom partout, le même délire, je sais pas. Bah, je sais pas. Écoute, eux ils disent que maintenant ils veulent une décoration inspirée des steakhouse à l'américaine. Donc c'est peut-être plus ce truc-là de dire c'est un peu moins truc pour enfants, tu vois, cowboy indien. Mmh. T'emmènes pas ta meuf à un truc avec des cowboys et des indiens. Alors qu'un truc de barbecue, déjà tu peux plus le faire. Ouais, mais c'est un truc familial. Oui, ils veulent peut-être grandir. Tu vois, un espèce de truc. Malheureusement, personne n'arrivera à prononcer le nom. On va au steakhouse. Mais surtout que certains, il me semble que certaines enseignes, elles ont vraiment une forme de corne ou je sais pas quoi. Bah c'est en fait le logo, c'est ils vont le garder. Les cornes et le Buffalo Grill, ça fait une tête de vache quoi. Ils vont le garder. Bah ça, ils peuvent potentiellement. Je sais pas. Écoute, là, ils ne l'ont pas dit. Ils vont faire le logo. Sombre histoire. Mais nous tiens compte, c'est un peu tout fou le camp en fait. Tout fou le camp. Non, mais c'est un peu une Madeleine de Proust quand même. Je sais pas, la diligence à dessert, j'ai l'impression qu'on a un habitué du Buffalo Grill autour de la table. Bah, dans le stream game, si tout le monde parle de la diligence des desserts, c'est Ponce. Moi, je n'ai jamais bouffé à Buffalo Grill. Ah merde, ah mais d'accord. Je me suis dit, je vais juste placer une ref. Non, mais t'as raison, t'as vu, j'y ai cru. Mais ouais, non, qui a marqué les gens. J'avais vu Ultia, Ponce, Rive qui eux se font des Buffalo à l'infini, j'ai l'impression, à volonté. Et du coup, ça les a beaucoup touchés. Hein, donc, c'est un sujet dans le streaming. Ouais, c'est un sujet tabou. Qui a été beaucoup traité déjà. Non, mais là, tu vois, c'est des trucs un petit peu. Ouais, comme je dis, Madeleine de Pau, vous avez pas, vous, des restos, des trucs. Le flunch, voilà, ou fluncher à volonté, tu vois. Je sais pas si. Ah si, j'ai dû aller une fois à flunch. T'as jamais flunché? C'est une belle expérience. Hein. Tu peux encore fluncher. C'est vrai. Moi quand je veux. Encore une fois, je reviens du fin fond de la province. Alors, Hard Rock, j'y suis allé il y a pas longtemps, mais j'en ai déjà parlé il y a pas très longtemps. J'aime bien aller au Hard Rock Café. Je sais que c'est un truc un peu. C'est pas le truc. Non, c'est moi, c'est le micro. Je sais que c'est pas le truc le plus hype du monde, mais j'adore aller au Hard Rock Café. En France, par parce que genre, moi, la première fois que je suis allé à l'étranger, c'est vrai qu'il y avait Hard Rock et j'étais en mode waouh, trop bien et tout, tu vois. Non, il y en a partout. Il y en a à Paris, ouais. Il y en a vers. Pour moi, j'y allais, il y avait Kurt Cobain qui chantait. Il y a des concerts tout le temps. Ça fait partie de la grande déception maintenant quand il va, puisque c'est plus très rock en fait. Il y a 2-3 guitares au mur, mais la musique. Une boutique quoi. Une boutique, des mugs, beaucoup de mugs. Énormément de mugs et de t-shirts, effectivement. Mais moi j'ai l'impression que c'est très provincial, c'est les 3 brasseurs. Ah, non, les 3 cafés gourmands, tu veux non, dire. Non, 3 brasseurs. Claude Brasseur. Non, je l'avais pas. L'acteur de camping. Non, c'est quoi 3 brasseurs? Mais ça va peut-être parler chaîne de brasserie. C'est une chaîne de brasserie et ça propose quoi? Oui, fabrique de bière. Non, mais ils fabriquent aussi la bière sur place. Ah, c'est ça, d'accord. Ils mettent ça plutôt en avant. Donc hein, dans t'as le site, de un brasseur, c'est vrai que. Ouais, moi j'aime bien aller là-bas, genre aux anniversaires, je sais pas pourquoi, j'ai un truc, genre à mon anniversaire, j'aime bien me faire un 3 brasseurs. Bah, moi, quand j'étais petit, l'anniversaire du McDo, par exemple, c'était quand même un truc énorme. J'ai fait deux fois mon anniv au McDo, j'étais ouf quoi. Jamais fait. J'en ai un à mon actif aussi. Pas mal. Non, mais c'est vrai, ouais, t'as des ballons, il y a tout, t'es content, petit menu. Et moi je voulais pas au début parce que j'avais peur qu'il y ait le clown. Parce que le clown est dégueulasse de McDo, mais en vrai, en France, il a jamais trop percé le clown. Mais il n'existe plus surtout. Ils ont enlevé le clown. Ronald, mais ça n'existe plus depuis 20 ans. Ils l'ont dans la nuque, malheureusement. Que tu racontes. Je te jure, Ronald McDonald n'existe plus. Attends, ils ont tué le mythe. Ouais. Ok. Mais attends, parce qu'il y a quand même l'or jamais, McDo. Tu verras plus jamais. Il y a Burglar. Tu verras plus de représentation de Ronald. Burglar, vous connaissez pas? Ah, c'était le petit brigand là? Oui, il s'appelle Burglar. Mais ça, j'ai vu des photos. Burglar, ça veut dire cambrioleur. Donc c'est un jeu de mots Hamburglar. Les ça, vrais... c'était beaucoup au stage, j'ai l'impression. En France, pareil, ça a pas trop percé les petits persos. Ouais, mais on les voyait dans la déco et tout. Seuls les vrais connaissent Quicos. Comment? Quicos. Et le CD, le Noël de Quicos. Quicos, c'est quoi? C'était la mascotte de Quick. La mascotte de Quick. C'est un jeu entendu. Avec il avait une tête de burger et des frites. Ouais. Oui, c'était marionnette. Et il y avait un CD qui s'appelait le Noël de Quicos que j'écoutais tout le temps. Si vous êtes là, je vais me le réécouter là d'ailleurs. Mais d'ailleurs, on parlait des influences de ton album. Enfin, on va en parler. Ah plus oui, tard. Oui, ça y est. Là, le Noël de Quicos, c'est pas parti. Oui, clairement. Le Noël de Quicos. Je suis con d'avoir vendu ce truc. Il y a un gros plagiat. Merde, la piste 3. Noël de Quicos, peut-être le titre de l'épisode. Ça peut, c'est tout à fait possible. Non, mais alors, ça peut être autre chose que des restos, même d'ailleurs, des petites manettes de Prout. Tu vois, par exemple, moi le dimanche, c'est un peu triste, mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs, ça leur parle. On allait des fois à Jardiland. Tu vois, alors c'est pas fou, mais le dimanche à Jardiland, quand t'es en province, c'est un peu juste le magasin ouvert. Je l'ai connu aussi, ça. Tu vois, le dimanche matin, tu fais un petit tour à Jardiland. Alors, moi, le truc, c'est que les restos. Vu que je suis vegan maintenant, les restos où j'allais quand j'étais petit, je peux plus trop y aller. Enfin, c'est mais un est-ce peu. Mais est-ce que t'as des souvenirs, des trucs de. J'essaye de. Ouais. Je sais qu'il y avait un. Mais c'est pas une chaîne, c'est un truc complètement inconnu. Moi, j'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Et il y avait un resto de burger qui s'appelait Burger Circus. D'accord. Et en fait, on y allait. Et. Alors, je sais pas si c'est vraiment une théorie de mon daron ou si c'était avéré, mais en gros, il pensait que mon père était guide gastronomique. Après, apparemment, je sais pas d'où cette théorie est sortie. Et du coup, on était mais trop bien accueillis dans c'est ce incroyable. Truc-là. Il arrive. Et du coup, je me rappelle des sorties dans ce truc-là. C'était assez cool. On y allait en famille, puis ça a fermé parce qu'il y a un McDo qui a ouvert. Donc tous les autres trucs de burger ont fermé à Saint-Germain-en-Laye une fois que le McDo est arrivé, malheureusement. Burger Circus. Voilà. C'est marrant. Moi, c'est la pizzeria du vieux collège. Pareil, c'est pas une enseigne, mais c'était une pizzeria de ma ville. Et c'est là où mes parents sont mariés. Dans une pizzeria. En fait, ils sont mariés à l'arrache. Et le dîner, le dîner du mariage s'est fait dans la pizzeria du vieux collège qui était à côté de leur maison. De leur appartement, leur petit 30 mètres carrés, je crois. Oh, et donc, du coup, la pizzeria du vieux collège. Et c'était Quicos qui les a mariés, c'est Pizzos, le roi de la pizza. Ce qui est cool, c'est qu'elle est toujours ouverte, cette pizzeria. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas la même chaîne. Pas les mêmes directeurs, etc. Mais cette pizzeria existe toujours, quoi. Donc, ouais, non, toi, pas de resto. Moi, en vrai, si, justement, c'est Quick. Ouais. Et je trouve qu'il y a une espèce de chasse au Quick, notamment depuis que ça a été racheté par Les Quicks sont remplacés peu à peu. C'est le grand remplacement, on en parle souvent. Je viens d'une ville qui s'appelle Nîmes, ouais. Qui est proportionnellement. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, t'as bien fait de dire. Non, mais proportionnellement. Comment t'écris Nîmes ? N-I accent. Le petit chapeau. M-E-S. Non, et proportionnellement à. J'ai vu proportionnellement au nombre d'habitants, c'est la ville où il y a le plus de fast-food en France. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais. Okay. Ouais, bah, mon paradis. Et du coup, on avait genre deux Quicks, je sais pas combien de McDo, et en fait, ouais, maintenant. Il y a un Burger King qui s'est ouvert à côté d'un Quick, donc le Quick reste Quick. Ah ouais? Mais tous les Burger King, les Quick qui n'avaient pas de Burger King à côté deviennent des Burger King. Putain. Et ça m'énerve parce que beaucoup de gens critiquent et détestent Quick. C'est pas bon, c'est quand même. Le Giant. Ouais, le Giant, ils le font en veggie maintenant, surtout en Belgique, ils l'ont fait un peu en France. Mais ça suffit pas. Celui que j'aimais bien à Quick, c'est le Long Chicken. Ça, je le trouvais très bon. Ah, il était pas mal. Parce que le Mac Chicken de McDo a cette folie de mettre 35 tonnes de salade, et là je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Et c'est les potatoes de chez Quick, ils appellent les rustiques, qui sont incroyables. Oui, ça oui. Ouais. Ça fait ça, ça, basilic, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, et du coup, j'allais à Quick quand j'étais enfant quasi tous les midis, en fait. Ouais. Et pourtant, t'es svelte, c'est fou quand même. Je suis redevenu svelte. C'était pas trop le cas quand j'étais petit. Moi, j'avais un petit. C'est pas vraiment une Madeleine de Proust, mais c'était Subway, parce qu'en fait, il y a quelques années, c'est pas quand j'étais gosse, en fait, quand je rentrais du basket à pied, je passais par le Subway et j'avais le rituel de m'arrêter à Subway pour prendre à bouffer parce que c'était le soir en tard et tout. Tu lâchais ton sub. Oh, c'est pour toi, PA, ça. Oh là là, ça t'adore, ça. Ça, c'est ton truc. Alors, les viewers. Il connaît tous les codes. Quand on est allé à Vevey, on a mangé à Subway et j'ai eu un peu un côté Madeleine de Proust, genre ah putain, ça fait tellement longtemps, et après j'ai dégueulé. Ouais, t'as été très donc, malade. C'est terminé. Ça n'est plus. C'était la dernière fois que j'allais à Subway, malheureusement. Souvenir lointain. Est-ce que c'est pas ça, grandir, regoûter un truc d'enfant, c'est dégueuler. Dégueuler. Dégueuler immédiatement. C'est ça. Quelle nouvelle activité, sans le moindre rapport, quelle nouvelle activité devrait apprendre. Avec le dégueuler. Remarque, ça aurait pu. Oh, tu vas voir, peut-être. Quelle nouvelle activité devront apprendre les Miss France pour la prochaine édition? S'enfiler un obus. Non. C'est ça ton album? Maxence Unchained. Je sentais une petite vibe. Rapper. Hein? Rapper. Bah c'est une très bonne réponse. Quoi? Je te dis. Quoi? Mais non. Mais c'est incroyable. Genre devant Jean-Pierre Foucault, ils vont devoir lâcher la 16. Bah là, je vais regarder pour la première fois de ma vie les musiques. Allez, faites-nous le rap. Je ne suis pas que joli, je suis aussi intelligent. Super ça. C'est Foucault ça? Ouais. Vous allez faire un petit sketch d'impro là. Ouais, voilà. Je me suis régalé là. C'est le Foucault Maïté, tu sais, c'est l'imitation que tout le monde a un peu. Oui, sais. Oui, oui, je c'est ouais. La petite voix marrante. C'est ouais, vrai. Oui, un peu de paix. Qui s'appelle Nîmes. Cette année, les Miss ont la chance de se rendre en voyage à la Réunion. Avant l'élection, au cours de ces jours, les candidates s'entraînent pour le grand soir. Et selon les informations du Parisien, depuis qu'Alexia Laroche-Joubert a été nommée à la tête du comité, aïe, oui. L'attention se porte sur l'élocution des jeunes femmes. Et du coup, pour travailler leur élocution, les candidats récitent une chanson de rap. Récitent une chanson de rap. Oh là là. Ça se promet. C'est une info. Hein, un excellent flow. Et ce n'est autre que ma Benz de NTM qui a été choisie. Le but est de voir comment les filles s'approprient un texte en le réinterprétant. Bah moi, il faudrait que je chante ma Benz. Donc on va d'un peu slam, un peu. En le réinterprétant à leur façon. Voilà, ouais. C'est pas obligé de kicker. Je veux développer leur faculté d'adaptation. Être une Miss France, c'est donner son avis sur tout et sur son contraire. Cet exercice les y prépare, a expliqué la présidente du comité. Curieux du moment quand même. Hein. Sur la scène, là, ça va être très génial. Ah, oui. Ça me refait penser au. Non, mais est-ce qu'ils vont le faire sur place? Non, je crois que c'est plus un truc d'entraînement. Ça fait penser, vous saviez, au programme Combini qui s'était fait allumer où c'était en noir et blanc, où t'avais des comédiens qui récitaient. Ah, ouais. C'était horrible. Genre, ils le jouaient en mode théâtre, dramatique. Ça ressort souvent sur Twitter. Mais ça, les pauvres, parce que moi, je connais vite fait. Il y a des super comédiens. Ouais, ouais. Et qu'il avait plus. Il y a Benjamin Laverne qui l'a fait quand même. Qu'il avait parfois fait juste pour plus rigoler, quoi. Enfin, il y a un truc un peu second degré. Oui, je sais que Finn, qui est un acteur. Finnegan. Exactement. Il l'avait plus fait pour rigoler quoi, qu'autre chose, et en gros on lui ressort tout le temps en mode putain, t'es nul, t'es à chier, t'entends. Je pense que c'est peut-être le choix des textes que t'es pas assez. Oui. Bah lui c'était je suis posé sous Jack, oui, c'est ça. Voilà, c'était un truc plus. Ouais, tu vois, mais c'est pas IAM non faut, plus quoi. Non, mais faut prendre du Lorenzo quoi, comme ça t'es sûr que c'est. Il y a un décalage, oui, t'es sûr. C'est vrai. Mais il y en a un qui était sorti, je sais plus qui, c'était une. Mathilde Warnier peut-être. Peut-être, qui avait fait du Booba, et c'est vrai que c'est celui-là qui a beaucoup tourné, où elle s'était fait énormément tailler, et c'est vrai que t'es en mode putain courage parce que. Mais il y en a eu plein, mais même Kian il l'avait fait. Je pensais que c'était un one shot. Non. C'était pas un peu Malaise TV? Oh. Non. Tu veux dire que t'es un peu dans ta VDM là? T'es un peu dans ta VDM. Toujours sur les Miss France. Pour la première fois, les Miss auront un droit qu'elles n'ont jamais eu jusqu'ici pour le Miss France 2022. À votre avis, quel est ce droit? Parler du fait qu'elles ont quelqu'un dans leur vie? Non. Oh, mais pas mal. Ne pas. Putain, malin. Ne pas. T'es génial, la malin. Pardon, je t'adore. Mais merci. Embrasse-moi. Ne pas retoucher leurs photos. Non, pas ça. Jusque là, elle n'avait. Avoir un tatouage. Non. Parler de leur orientation sexuelle. Non plus. Un truc non autour plus. De leur compte Insta de. Non. C'est en fait c'est grâce à l'association Oser le féminisme qui a attaqué la société au prud'homme. Wow. Donc, des c'est Miss lié au prud'homme. Ouais. Ah. C'est pas avoir le droit d'avoir un mec. Non. Parce que je crois qu'elles sont censées être toutes célibataires. Elles sont obligées. Oui, mais je pense qu'elles, ouais. Oui, mais elles doivent fake. Dire, quoi. Ouais. Je pense. J'espère que féminine, photo. C'est pas lié aux photos, non. C'est vraiment un truc c'est plus dans le sur discours. La parole, quoi. Pas sur la parole, pas sur le discours. Un truc assez concret. Ah, mettre un monokini. Non. Est-ce que c'est pas ouais, c'est pas dans la refuser dans des choses, ouais, refuser non, des choses. Non, c'est pas un truc par rapport à leur apparence, en fait. C'est un peu un truc d'entreprise, genre comme si une pause déj ou un truc comme ça, quoi. On est dans ce truc là mais est-ce plus qu'on plus... est sur j'ai peur que je sois sexiste ma proposition, donc je vais pas. Non, dire. Mais vas-y, dis-le. Non, c'est par rapport aux menstruations, un truc non, comme ça non, ou pas non, du tout. C'est pas ça. Parce que ça c'est pourrait être un truc genre sexiste. Non, c'est exactement ce que je craignais. C'est pas avoir. Non, mais peut-être que les 8 ans de podcast étaient pour menacer. C'était pour dire peut-être qu'il y avait un tabou là-dessus au niveau des France et qu'elles l'ont brisé. D'ailleurs, très bien dit, il y a sûrement un tabou là-dessus. Très laid ce tabou d'ailleurs. Ah bah. Oh, t'as boulé. Oh là là, non. Non. Ouais, allez. T'es génial, Maxence. Merci. Bravo. Tu vois, t'avais peur en. Ah, j'avais peur de pas être drôle là. Voilà. Je sens que tu es là. T'es une fusée. Ah là là. Non, mais c'est. De boire. Non. C'est pas juste quand je dis non, j'avoue, je veux pas. Non, c'est un truc vraiment assez concret. Pensez, c'est une émission télé, c'est diffusé. Elles auront le droit de vous. Ah, c'est en direct ou pas? C'est en direct, mais c'est pas lié à ça. Pas les selfies. C'est les prud'hommes, à penser aux prud'hommes. Pourquoi on attaque aux prud'hommes? C'est bien là. Bah, au niveau du salaire, elles auront le droit d'être payées. C'est une très bonne réponse. Elles auront un contrat de travail. C'est-à-dire que les Miss France jusque-là n'ont jamais eu de contrat de travail, les candidates. Et là, pour la première fois, elles vont avoir un contrat pour être rémunérées. Voilà, il y a des... attendez, je cherche le truc. J'ai l'impression que chaque année, on dévoile un truc horrible sur l'entreprise Miss France, quoi. Oui, en fait, en gros, c'est leurs avancées. Genre, ça y est, on fait ça. Tu fais, oula, vous le faisiez pas. 2021, on a le droit d'être payé. Mais je savais pas qu'elle devait pas avoir de copains, copines ou autre, quoi. Bah, il me semble. Non, mais c'est hyper. Pas de tatouage. Elles ont pas le droit de se faire refaire. Ouais. Pas le droit d'avoir fait des photos un peu sexy. Olé, olé. Ouais. Des photos avec un taureau, du coup. Il y a des ils imposent une certaine taille. Et ça marche encore son truc, parce que moi j'avoue que les Miss France, je pense, j'ai jamais maté, mais à un moment il y avait ce truc où Geneviève de Fontenay elle avait lancé son truc. Ouais, quoi, justement, elle trouvait que ça n'y a pas le même budget. Justement, il n'y a pas le même budget. Du coup, elle avait fait Miss National, je crois, et du coup, ça pue un peu le vieux fascisme dégueulasse. Ça, c'est l'agriculture. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en gros, Miss France, eux, ils se défendaient en disant, mais quand même, on donne des cadeaux, des machins et tout. Ils ont dit, oui, mais ce n'est pas un contrat de travail. Donc voilà, c'est maintenant mis en place. Et elles vont enfin être payées pour faire l'émission, quoi. Donc c'est plutôt cool. Okay. Mais voilà. Moi, j'avoue, je regarde pas Miss France. Ça m'a jamais intéressé. Moi non plus. C'est quand même vraiment un truc où tu regardes. Oh, elle est belle. Oh, c'est belle. C'est dur d'être hype, quoi. Ouais, on va dire avant samedi, il y a Miss France. Ouais, mais ça dure 6 heures en plus. Ouais. C'est d'une longueur. En plus, je trouve que. Je sais pas. Bon, moi, je vais. Enfin, après, elles vont rapper sur Twitter, mais je trouve qu'il y a un peu une sale ambiance, quoi, sur les réseaux où c'est, tout le monde fait genre. Ah, je regarde pour rigoler, mais au final. Même les gens qui sont un peu censés être un petit peu déconstruits machin et en fait se foutent de la gueule des meufs c'est un peu sur leur apparence et les gens qui regardent ça c'est un peu comme les gens qui regardent les Marseillais et tout, c'est genre ah non mais c'est second degré hein, tu fais oui mais tu regardes 4 heures des meufs qui défilent et tu te fous de leur gueule et tu fais des vannes dessus, enfin c'est un par contre moi pour être justement pour avoir un peu regardé j'avoue la dernière édition ah la honte toxique en fait Jean-Pierre Pernaut est encore tu jugeais les femmes c'est ça qui était au Puits du Fou. Okay. Ah oui, c'est ils ont fait ça en plus. Ça, c'est vraiment vieille émission. Hein. Oh ouais. C'est vraiment vieille télé. Il y avait un moment avec les faucons et tout ou pas ? Non. Non, mais par contre, celle qui était pas vierge était brûlée. C'était très étrange. Jeté dans la fosse aussi. Non, mais ça fait vraiment vieille télé. Bah ouais, mais même Foucault qui est plutôt un gars marrant, mais malheureusement, il. Après, il y a du rap, il est pas avec il est bridé par le format. Sinon, Foucault là-dedans, il délirait. Foucault, on le connaît. Il arrive sur Twitch et ça va, attention. Foucault, il arrive en moto, il fait des roues arrière. Comme Jules. Il a une casquette cette année. Avec écrit NY. Mais qui met à l'envers un peu. Ouais, ouais. Un homme a été inculpé pour fraude fiscale par le gouvernement de Géorgie. Il a utilisé une aide publique liée au Covid pour un achat personnel. D'accord, à votre avis. Il a utilisé une aide publique. Aide. Parce qu'aux États-Unis, il y a des aides. Voilà, ah oui, donc pas c'est, beaucoup, donc c'est pense, Géorgie, mais... l'État. Ah ouais, ouais, l'État aussi. Ouais. Oui, pardon, excusez-moi, aux États-Unis. Des États-Unis d'Amérique. Et il a utilisé une aide publique liée au Covid, mais sauf qu'il s'est acheté un truc personnel. À votre avis, qui s'est-il acheté ? La PS5. Non. Mon album ? Non. C'est une petite aide, parce que je crois que l'album est à combien ? Très cher. Non, même, je sais pas. Non, mais disais le prix. 14€, je crois. 14,99€, voilà. Puis de toute façon, c'est disponible sur toutes les plateformes. Oui, en vinyle aussi. N'achetez pas l'album, streamez fort. Streamez fort, je crois. Bah alors, streamez fort, oui. Si vous n'achetez pas, streamez très fort. Envoyez-le à ce fort un peu. Voilà. Mais cela dit, c'est un très bel objet. La photo et toute la DA est vachement belle. Enfin, l'album aussi, mais le vinyle est magnifique. Les photos, les trucs. C'est quoi le concept d'ailleurs ? Tu peux le dire aux gens ? Ah non, mais je voulais vraiment pas ma caméra. C'est Floodcast, ok. En plus, hors antenne, t'as dit. Parlez-en. T'as dit les gars, je trouve que. Ouais, genre, je suis surpris. Vous avez pas trop fait de story, donc parlez-en au moins dans votre émission. Laissez-moi parler par contre, du coup. Ouais. Merci, on perd du temps. Non, en gros, c'est le concept de avant une catastrophe et juste après. C'est exactement le même concept que la pochette de McFly et Carito. Mais c'était vrai. Ah, bah oui, on n'a pas fait exprès d'ailleurs. Ouais. On a eu la même idée en même temps. Ils t'ont plagié. Ils t'ont plagié. Non, ils me l'ont dit. Tout volé. Je les crois. Ils ont 60%. Et en gros, bref, sur la photo, je vais pour me prendre une flaque et juste il y a le juste après. Il y en a plein dans le et dans l'album, dans le livret et dans les sous-pochettes du vinyle, ouais, il y a d'autres photos. Et est-ce qu'il y a les paroles dans le livret, ça c'est bien. Et il y a les remerciements sur une chanson qui n'a pas de paroles. J'ai profité du fait qu'il n'y ait pas de paroles pour. C'est malin. Ouais. C'est trop bien. Et je t'ai entendu dire qu'il y avait une cassette audio. C'est une connerie ou il y a vraiment une cassette audio ? Il y a une cassette qui est vendue. On devait mettre en place une chasse au trésor, on n'a pas pu le faire. Ça, j'aurais bien aimé. Mais il y a une cassette. La voir. Mais je te la file. Okay. Je t'ai entendu dire dans le dernier Floodcast que t'aimais bien la cassette. Ah bon, j'ai dit ça ? Ouais. C'est Pierre Lapin qui disait ça. Ah, c'est Pierre Lapin qui dit. Ah, les voix, on reconnaît pas toujours. C'est toi qui fais les news du. J'aime les cassettes. Mais excuse-moi, il y a pas de ticket d'or. Je crois que tout le monde fait ça. Tu mets pas de ticket d'or dans ton j'ai album. J'ai pas eu l'idée. Espèce de ringard. J'ai pas eu l'idée. Donc, non, mais parce que je trouve toute la DA hyper belle. Mais je me vois pas foutre un vinyle en déco chez moi. Je te l'ai pas envoyé. C'est pour ça que tu l'as pas reçu. Je l'ai pas reçu. Magnifique. Bon, revenir à nos moutons. Oui. L'homme a été inculpé pour une fraude fiscale parce qu'il a utilisé une aide publique pour un achat personnel. Pas l'album de la bouffe. Mon parfum. Pas de... Quel génie, putain. Il a offert des subs sur ma chaîne. Bagnole. Non, un truc très d'actualité. Enfin, très d'actualité. Un peu moins, mais qu'il a beaucoup été il y a quelques mois. Un truc d'été. Pas un truc l'été. Un parfum d'été, peut-être. Le dernier single de vacances. Le parfum. Ouais. Un truc lié à l'high-tech, quoi. Lié au Covid, lié au COVID. Non, pas du tout lié au Covid, justement. Un Ténia. Pas hein. Un Ténia. Des vacances. Pas des vacances. Ah, non. C'est un objet. C'est un objet. Je peux vous dire ça déjà. Un objet un peu collector. End spinner. Non, mais. Ah putain, mais oui, attends. Un truc qui a été très présent. Un dé à cliquer là. Pas un dé. Ah, ça, c'est trucs. Fou, j'adore ça. Ça, attention, j'adore ça. Non, ah, c'est pas les. Mais non. Non, non, non. J'allais dire, tu sais, les trucs où tu pop là. Des cartes Pokémon. Il s'est acheté tout bonnement avec la somme de 57 789 dollars. Ah ouais. Donc à savoir 49 680 euros, si vous aimez les conversions. Il s'est acheté tout simplement la fameuse carte Pokémon, le Dracaufeu. Il s'est acheté une brillant. Carte. Une carte. Oh le con. Le Dracaufeu qui brille. Sauf que malheureusement pour lui, voilà, c'est illégal. Comment de faire il ça. A eu autant d'argent d'aide? C'est énorme, c'est avec sa boîte, non? Là, on a, ouais, c'est ça, c'est y a le pass culture en ce moment. L'Economic Injury Disaster Loan, un programme fédéral de prêt pour aider les petites entreprises à affronter l'impact économique de la pandémie en fournissant des capitaux fou. Accessibles pour les emprunteurs. C'est ça qui lui a permis de s'acheter cette carte. Il est censé servir à payer des dépenses professionnelles, salaire, coût de production, loyer. Petite carte Pokémon. Après, s'il est youtubeur et qu'il a fait un unboxing, c'est son taf. Ça rentre dedans. Ouais, je suis pas certain. Ouais, ça se déclare pas pareil. Il a pas fait de story, dommage. Ouais, c'est marrant, il aurait pu. L'homme en court jusqu'à 20 ans de prison. Quand même. Ouais, c'est les States. On rigole pas avec les aides de l'État, il y en a pas beaucoup, donc quand tu le fais. Et 250 000 euros d'amende, donc le prix de la moitié de la carte. Peut-être s'il la revend, il peut déjà. Il n'est pas le seul à avoir. Non. Attends, c'était 50 000 euros. 50 000 euros, pardon, n'importe quoi. Je me suis dit en maths là. Là, c'est énorme. Là, c'est énorme. Il n'est pas le seul à avoir frauduleusement utilisé des aides publiques liées au Covid, précise le Washington Post. Un homme aurait dépensé l'argent de son prêt pour fréquenter des clubs à striptease, tout simplement. Et un autre récemment avoué utiliser son fonds de 318 000 dollars pour acheter une Lamborghini. Voilà, tout simplement. C'est comme les gars, vous avez vu le truc Netflix, c'est les rois de l'arnaque là ? Non, ouais, en fait, c'est vachement bien. Ouais, mais donc vous avez un peu le. C'est quoi l'histoire ? Non, tu peux le dire peut-être pour les gens qui n'ont pas vu en 2-2, hein, bien sûr. C'est des gars qui. Je vais avoir du mal à expliquer, mais qui ont trouvé une faille dans un système lié à la TVA. Ok. Et donc ils ont détourné de l'argent public. Rapport au CO2, c'est ça ? Taxe carbone, ouais. Taxe carbone, ouais. Des grosses entreprises. Et ce qui me fait rire du coup, c'est qu'ils ont trouvé un petit truc. Normalement, tu l'utilises un peu, non ? Tu vois, là, ils ont détourné des milliards. Vraiment, les gars qui. Non mais t'en as plein partout, hein. En France aussi là pour les aides Covid etc. Il y a un mec du coup bah, justement qui a carrément créé un site où en fait il permettait à toutes les entreprises etc. Bah en fait de surdéclarer justement des aides. Donc le mec en gros il te rapportait 2000 balles, il en prenait 1000 et le mec il a pris pour 5 ou 6 millions je crois. Donc là il est en procès mais il y en a pas mal qui autour du Covid se sont fait des petites ambiances. Ça fout que tu trouves une faille et au lieu de la jouer un peu discret, tu dis non. Ah, mais lui, il était sur Snap et tout en mode. hésitez pas, venez et tout. C'est le moment ou jamais. Là, après Snap, c'est. Après, je suis en taule, donc allez-y, vraiment. Après Snap, il y a vraiment aussi des dealers carrément. J'ai vu. Ah, ouais, non, mais ils ont rien à foutre. Moi, j'ai vu des affiches dans la rue de dealers avec un Snap pour. Ah ouais Ouais, ouais, j'ai vu ça. Enfin, le Snap, je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Peu vérifié, oui. Ouais, voilà. Un Chinois a fui sa famille pendant 16 ans. À votre avis, quelle en est la raison ? L'odeur. Un peu. Non, il ne puait pas. Avis politique divergent. Genre non, c'est pas ça. Trop de bruit, les enfants. Trop de bruit, il attendait qu'ils soient ados. Non. Il a fui sa famille. C'est vraiment lié à la famille, hein, sachez-le. C'est pas parce qu'il y avait des travaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment lié aux des gens. Des travaux. Bah, son père pas lui a piqué ça pour le premier confinement. Moi, j'ai des idées contradictoires. Non. Son père lui a piqué sa copine, un truc comme ça. Non. Mais ça aurait été quel bonheur. Mais non, je me casse maintenant. Ouais. C'est la clim qui s'est mise en place. Donc c'est vraiment il est parti parce qu'il fuyait. Ouais, par rapport à une honte. Il a eu honte de quelque chose et il a dit je me bats. Il a dit je me tire dans la manière de Maître Gims. C'est lui qui a fait un truc honteux ou c'est sa famille et du coup il veut pas être associé. Non, il a fait selon lui un truc honteux, mais sachez que ce n'est pas si honteux. Le déshonneur. Enfin, c'est pas honteux d'ailleurs. Ouais, le chômage, il a perdu son taf. Non, mais on s'approche. Mauvaise note crédit social. Non, mais on s'approche vraiment Il a grillé un feu. Tu brûles. Non, non, là tu t'es le froid. Il est étudiant, il a une. Ah, je me suis claqué là. Il a raté un diplôme. Ouais, il a raté son année. Franchement, je vais te l'accorder. Il a fui sa famille pendant 16 ans car il a raté ses études, tout simplement. Il les a retrouvés, il est aujourd'hui âgé de 39 ans. Le jeune homme s'était volatilisé pour ne pas annoncer à ses parents qu'il avait raté ses études. Si je suis pas là, ils peuvent pas savoir. C'était ses parents. Ouais, c'était Putain, ses parents. Mais moi, j'ai famille et je voyais des gosses et tout quoi. Bah ouais, oui, moi aussi. Je suis un peu vague pour pouvoir. Non, mais il aurait un pu peu avoir de... des gosses et être étudiant. Tout c'est à fait. Pas, y a pas de... Mais ils se sont retrouvés. Leurs retrouvailles riches en émotions ont été capturées. Émotions, pardon, ont été capturées en vidéo par la chaîne de télévision chinoise. Non, je vais pas le dire. Ouais. Voilà. Et diffusées sur le réseau social Weibo. On y voit Wang, le fils en pleurs, se mettre à genoux devant sa mère, implorant le pardon. Et les parents le prennent dans ses bras. J'ai l'impression que j'ai vu passer ce truc en fait. En fait, c'est en 2005, alors qu'il était étudiant à l'université de Chang, l'une des plus prestigieuses du pays, que Wang disparaît. Pour ses parents, c'est l'incompréhension. Ses études se passent bien, Wang est brillant et studieux. Ils ne savent pas que leur fils tombe dans une addiction aux jeux vidéo. Pour lui, la descente aux enfers s'enclenche. Voilà, alors PA, c'est de votre faute. Non, mais pour lui, la descente aux enfers s'enclenche. Le jeune homme perd pied et rate ses examens. Et plutôt que de les repasser l'année suivante, il décide de se volatiliser honteux. Voilà. Les parents, ils ont l'air détente en plus. Ils ont pas pris de nouvelles, ils ont pas. Enfin, non, il a disparu. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il n'est pas revenu vraiment de lui-même. C'est, il s'est retrouvé récemment à renouveler sa carte d'identité dont la date de validité avait expiré. Et les policiers du commissariat. Porté disparu. Ouais, ouais. Mmh. Et les policiers du commissariat où il a effectué cette démarche administrative ont découvert que Wang figurait sur la liste des personnes disparues et ont donc contacté membres de sa famille. Imaginons qu'il fasse un truc beaucoup plus grave. Enfin, la culpabilité. Genre pas acheter ton album. Ça serait fou. Ça serait dingue. Non, mais la culpabilité. Ah, c'est fou. Pour rien. Enfin, bon, j'ai pas compris. J'ai pas d'exemple. Non, mais imagine, tu fais un petit truc pas ouf. Ah, tu veux dire, qu'est-ce que ce serait s'il avait tué quelqu'un, voilà, ça, je veux dire. Ok, d'accord. Ouais. Bah, pareil, je pense. Enfin, je crois qu'il est au sommet du truc. À part se suicider, je veux pas faire de plus. Non, mais bien, l'article West France dit que bien que la réaction de Wang, soit extrême, elle reflète le stress et la très grande pression que subissent parfois les étudiants chinois. Une prise de conscience est tout de même en cours. La Chine a voté samedi 23 octobre une loi pour limiter les devoirs et les cours extrascolaires. Une initiative visant à réduire la lourde pression qui pèse sur les élèves. Donc ouais, c'est un vrai sujet là-bas. Visiblement. Ouais. C'est un vrai truc. Vous aviez un peu la pression de vos parents sur l'école. J'ai l'impression que c'est un truc qui était un peu de notre génération, un truc de... C'est la phrase d'Orelsan dans le dernier album de... Pas encore, je pense. C'est les pauvres, c'est parce que les gens sont pauvres, ils avaient qu'à mieux travailler à l'école. Ah oui, oui. Qui est un peu la phrase que parfois on pouvait entendre de certains parents. Est-ce que vous aviez un peu ça, de faut réussir à l'école, faut... Bah un peu quoi, enfin je pense que personne dit ouais bah les couilles c'est top c'est tes parents. Moi mais, j'étais brillant donc Mais t'es un zèbre je rappelle Moi j'avais sauté deux classes et du coup il y a eu déclin après. Ah, donc du coup fou. Mes parents étaient un peu déçus en mode oh t'es chiant, t'es, ça a l'air de bien partir, qu'est-ce que tu branles quoi. T'as sauté deux classes. Ouais. Quand, à la primaire ou... CP et CM2. D'accord. Et genre en collège pour m'intégrer j'étais un peu en mode, je faisais un peu le con et tout. Donc je pense que je pense qu'ils avaient le seum de dire ça partait bien là. Ça partait vraiment bien, qu'est-ce que tu fous là. J'ai fait la même chose mais sans sauter de classe quoi. J'ai pas sauté de classe et après j'ai décliné quand même. Enfin je devais sauter une classe mais mes parents ont pas voulu moi. Ah ouais. Le CE1, ils ont dit il peut sauter le CE1. Moi c'est ma maîtresse qui a pas voulu. Je devais en sauter deux. Et c'est la maîtresse qui a dit je vous d'un déconseille. Deux d'un coup. L'éducation nationale. De comment ça, ça existe. Grande ça section SCP. Ouais ouais. Ah ouais. La directe en CE1. Ouais ouais. Et c'est la maîtresse qui a déconseillé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit il est pas. Ouais, ah oui, c'est avec elle, les... Parce que ouais, ça. C'était... Oui, voilà, il y a un truc des petits avec les grands. En même temps, c'est quand même un grand pas, quoi. Moi, il y a une section CE1. Ouais, ouais, genre, t'as fait des cubes et tout d'un coup, c'est gros foot dans la cour. Surtout que ça se fait des coups d'épaule. Ah, surtout, tu dis, mais votre gamin, c'est pas pareil, donc c'est un peu con, quand même. Ouais, oui, c'est ça. Mais même en vrai, deux classes, hein. Du coup, quand t'étais en CM2, t'avais ça deux ans de bizarre, moins. C'est bizarre le décalage. Bah, j'ai fait CM1, 6ème. Et j'ai la chance d'être grand. Donc, du coup, genre, j'étais pas trop perdu, mais j'ai toujours une tête d'enfant, tu vois. Mais c'était au moins le minimum où tout le monde te met pas 30 cm. Mais c'était pas une, c'est bien. Deux, ça te crée un fossé quand même. Ouais. Tu sens que c'est pas le même délire du truc. Et toi, Adrien, une petite pression sur les notes, les trucs? Non, bah en fait, moi. Parce que t'as un autre type de parents. T'as aussi les parents qui disent tant que t'as la moyenne ou tant que t'as machin. En fait, moi j'avais très primaire et tout, j'avais de très bonnes notes, donc ça allait. T'avais des bons points. J'avais des bons points. T'avais des images. Avais-tu seulement des grandes images? J'en avais. J'en ai eu quelques-unes. Nous, il y avait même des cadeaux. Je sais pas si vous aviez ça. Moi avec si. Primaire. Si. Que c'est que ça, des petits, des tout petits cadeaux. Mais moi, ça devient la gamification. En gros, c'était 10 bons points, une image. Un achievement. 10 images, une grande image. Et 10 grandes images, t'avais un petit truc, un petit jouet, une petite voiture. Un petit PS1. Ouais. J'ai une histoire un peu folle, moi, avec ça. Pas tant que ça, mais un peu. J'avais réussi à avoir une petite figurine de singe qui était venu un peu. Et tu l'as retrouvé 20 ans après, mais je l'ai vu ton truc JQ en fait. Il pouvait le raconter. C'était un Sylvanian. Mais après, il y avait des auditeurs. Enfin, non, mais... les auditeurs pouvaient voilà, être. Non, mais il a débriefé. C'était pour montrer que j'avais vu son truc. Ouais, bien. Mais c'était avec un ton agressif. Oui, mais ça, c'est moi. Qui gâche l'émission. Mais... Oh mais non, mais personne n'a compris ce que j'ai non, dit. Non, mais c'est vrai, tu l'as bien synthétisé, ça aurait été chiant. Non, non, mais non. Donc, t'as eu un petit singe quand t'étais au CP. C'était devenu un peu mon meilleur pote, c'était mon doudou. J'avais pas vraiment de doudou quand j'étais petit et j'avais d'accord. pas trop trop d'amis. Et du coup, je voulais vraiment. Un jour, je l'ai perdu dans la cour, ça m'a dévasté. Ah ouais. En fait, je lui faisais des petites maisons dans des boîtes de chaussures et tout. Je faisais. Enfin, bref, ça, un ça, petit lit. Ouais. Et pendant toute ma. Toutes des années plus tard, pendant 20 ans, je l'ai cherché. Et un jour, en faisant des cadeaux avec mes nièces, j'ai vu les petites figurines d'animaux qui s'appellent les Sylvanian. Je me suis dit, putain, mais ça ressemble au singe que j'avais. Et du coup, j'ai tapé sur internet Monkey Sylvanian, et en fait, c'était un truc vintage que j'ai retrouvé sur un site. Incroyable. Je l'ai récupéré, c'est comme si j'avais le même que quand j'étais petit. Incroyable. Ah, c'est pas vraiment le tien. C'est le même. C'est pas le même. Okay. On reste... a bien fait de. Tu vois, comme quoi j'ai pas fait de m'engager parce qu'on a cru que c'était plus stylé que ce que c'était. C'est pas lui, mais c'est le même modèle. C'est le même modèle, et je retrouve l'odeur, le truc, les sensations que j'avais quand j'avais 4 ans. Ah ouais, c'est vrai, c'est marrant, ils ont ressorti des POG. Et j'ai vraiment eu ce truc de. Oui. C'est pas mes POG. Enfin, ouais, tu vois, ouais. Un peu un truc nul. Bah, ils sont pas écorchés. Ouais, y a pas. C'est pas avec Batman et Casper. Enfin, tu vois, il manque un peu le truc de. De quand j'étais petit, quoi, tout simplement. Ouais. J'avais des JoJo's, moi, c'était ça que j'avais. Je sais pas si vous aviez les JoJo's. Ah, je me rappelle. C'est des trucs en plastique, là. Des osselets en plastique bleu. C'était tellement nul. Enfin, non, c'est vrai que c'était à chier, mais c'était cheap, un peu. Bah, c'était vraiment des osselets, vraiment, c'était ça le truc. C'était des osselets avec des visages. Ah putain, j'ai mis JoJo's sur Google pour montrer à PA, mais évidemment, c'est JoJo Bizarre Aventure en premier. Ouais, mais je pensais que c'était ça, j'étais en mode. Je suis un immense ringard. Non, des osselets, du coup, non, j'ai pas. C'était des personnages et le design était hyper trapu pour justifier la forme vraiment d'osselets. Ah, si, ok, oui. Des trucs. Moi j'en avais en plus. Dans le bac à billes, il y avait des trucs comme ça qui étaient. Voilà, c'est ça. Vous aviez vos hand spinners, mais voilà. Non, les toupies Beyblade. Ah bah ouais. Moi, c'était déjà fini, moi, Beyblade. Des cailloux. Il y a bien des cailloux dans l'époque. On jetait des cailloux sur des clodos. C'est notre époque après. Hein. Ouais, bah c'est quand t'avais des mandarines à Noël. C'est ça, bien sûr. Donc, oui, donc toi, quand tu étais. On a un peu. Non, oui, non, mais j'avais de bons résultats, donc il n'y avait pas de soucis. Et après, bon. En fait, le truc, c'est que moi, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 9 ans. Ma mère célibataire et tout, qui travaillait beaucoup. Célibatante, en revanche. Célibatante. Oui, bien sûr. Et, attachante. Non, mais du coup, quand mes notes ont commencé à décliner, elle était. Elle essayait un peu de joindre les deux bouts, quoi, donc c'était un peu compliqué. Je pense que tant que je me faisais pas poignarder, c'était ok, tu vois. Bon, Adrien, tu fais pas poignarder, hein, t'es gentil. Non, bon, elle était convoquée, mais. T'as dit, elle était con. Non. non, mais ça. Donc elle suivait, mais il y avait pas de pression, quoi. Ouais. C'est genre, bon, essaye de pas trop faire le con et voilà, quoi. Mais faire le con et avoir des bonnes notes, c'est quand même deux choses différentes aussi. Ouais. Moi, mes parents, ils avaient pas trop peur. Le problème, c'était plus faire le con, moi. Ah ouais? Moi, j'arrivais à être les deux. Ah ouais, ça c'est énervant. Hein. Beaucoup de gens m'enviaient. Mais moi j'avais ça. J'avais avertissement de conduite et j'avais félicitations. Et du coup, ils annulaient. Et ils disaient, bah t'as rien du coup. Continue. J'avais des très bonnes notes quand même. Au début, sixième, sixième, cinquième, quatrième, c'est très bien. Après, ça a commencé à décliner. Ouais. Mais en revanche, ma mère, elle a jamais voulu, dans les études secondaires, elle a dit, par contre, tu fais pas rien quoi. Soit tu prends un taf, soit tu fais des études, mais tu restes pas à glander quoi. Donc elle m'a toujours dit. Tu fais ce que tu veux, mais par contre, tu fais pas rien, quoi. Oui, moi, mes parents, ils avaient aussi le truc un peu de deadline. Moi, mon père, il m'a dit, je t'aide à payer pour les études après le lycée. Je t'aide à payer ton loyer pendant un an. Même, je te le paye à 80%. Et après, par contre, il y aura 0 euro, quoi. Donc, trouve un taf pendant parce que après, c'est tu rentres, quoi. Donc, mais c'est bien. Je trouve, c'est bien. Mais moi, en tout cas, ça m'a. T'es un peu aidé, mais ça te pousse. T'es aidé de ouf, en vrai. T'es même carrément aidé. J'ai pas eu besoin de trouver un taf tout de suite et tout machin. Et après, du coup, ça s'est fait naturellement. C'était chouette. C'était chouette. Et toi, PA, t'avais eu, toi, des. Enfin, je veux dire, quand tu t'es lancé dans le stream, tes parents, est-ce qu'ils ont. Alors, compris en tout cas ton suivi ou est-ce que c'est un truc. Moi j'étais en école de commerce à côté et en fait j'ai. Ça tout... s'est fait parallèlement au début. Ouais, c'est okay. ça. C'était. Bah, en fait, à l'époque, c'était pas un métier quoi. Mmh. Donc je regardais juste des mecs. Des mecs partagés à l'époque sur une plateforme qui s'appelait Honnête TV étaient en mode bon, ça a l'air cool comme sa vie quoi. C'est-à-dire que le mec fait comme moi, il joue, mais il y a des gens et ça va être son métier à peu près. Et ça te donne envie de partager. Et en gros, moi j'ai un peu sacrifié le social à un moment, justement, mes potes, etc. Le côté école de commerce, on va en boîte, m'a pas non plus donné trop envie, tu vois. Et du coup, bah, je rentrais et je jouais, quoi. Donc, je partageais ça. Au début, ça faisait un peu de sous. Puis, ça a commencé à prendre un peu son envol. Mes parents étaient en mode, bon, école de commerce, ça va pas être un génie non plus. Donc, s'il fait son truc et qu'il creuse. Et j'ai eu cette chance aussi, ouais, qu'il soit cool. Ouais. Moi, genre, ça a été... collège et tout, en gros, j'avais une heure de PC par jour. Donc, ils étaient premier degré. C'était quand même très cadré. Ça sonnait, strict. Ils arrêtaient. Mais ce qui était plutôt pas dégueu, parce que je pense que je suis, j'ai un profil hyper addictif. Donc, si tu me laisses, bah en fait, toute la nuit, les 8h du mat, je vais en cours. La même. Et donc, au moins, ça m'a mis un cadre. Mais ils m'ont laissé quand même, ils m'ont donné ma chance et tout. Donc, non, ils ont. J'avoue que j'ai eu de la chance là-dessus parce que parfois tu peux juste être en mode eh bien non, il n'y aura rien. prouve que tu peux, prouve que t'es capable. Maxence, toi, quand t'as la chanson, c'est ce que c'est quelque chose aussi. Enfin moi c'était plus, je voulais monter une boîte de prod. Enfin bref, je voulais faire de la comédie, conservateur, tout ça. Et c'est vrai que mes parents, surtout ma mère, mon père aussi, il comprenait un peu plus. Mais je vivais pas avec lui, donc c'était plus ma mère qui gérait tout ça. Et c'est vrai qu'au début, elle avait beaucoup de mal à comprendre. Ouais. Qu'il fallait que je fasse en fait des choses qui me plaisent, elle voulait à tout prix que je fasse des études, etc. Et non, moi j'avais vraiment pas envie. Mais ta première vidéo YouTube, t'avais quel âge à peu près ? 18 ans ? Oui, c'est ça. Donc, mais en même temps, t'as vite été dans le bain aussi de faire des choses sur Internet. Ouais, même les vidéos, j'en faisais même quand j'étais ado avec mon frère et tout. Enfin, je postais des trucs. Parce que... la première vidéo qui a bien marché, t'avais quel âge ? Oh, peut-être 20 ? 19 ? Ouais. C'est quoi ça comme période, comme date ? En gros, 2015, un truc comme ça ? Ouais, un peu avant même. Moi, je crois que c'est la première fois que je t'ai vu. C'était Video City Paris. Oui. Moi, j'y étais donc avec Jiraya. En fait, c'était vraiment un truc de youtubeur, youtubeuse. Bien sûr, n'importe quoi. En fait, il y avait deux streamers gamers, quoi. Donc Jiraya et moi, mec, c'était vraiment les délires de salon où chacun a sa petite fille en mode salon de l'agriculture. Tu viens voir la vache et prendre la photo avec. C'était horrible. Sauf que personne me connaissait. Donc j'avais une file qui était vide. Et à côté de toi, tout le monde est blindé et les mecs qui attendent te regardent en mode c'est qui lui. Ce qui est horrible. Et en gros, il y avait une sorte de petit stand où tous les gros youtubeurs venaient. T'avais tous les ados qui hurlaient et tout en mode ah, Sullivan. Il y avait des mains de zombies. Tu les voyais, ils t'attrapaient. Et au milieu, du coup, je parlais avec Seb que je connaissais un peu. Et j'ai pas rencontré Maxence, j'ai rencontré Maxou le Zozo. C'était la première fois, je crois que. C'est l'époque où je faisais des vlogs un peu débiles. C'est ça. Ouais. Première fois, t'as braqué une caméra en étant en mode. Salut bonjour, je passe une super journée de mon côté. Moi j'étais en angoisse max. C'était c'était marrant. J'allais juste voir des gens et je jouais un espèce de rôle. Ouais. Tu te cherchais, c'était drôle. Ouais. Non, ça je l'ai fait longtemps. Hein. Je pourrais le refaire. C'était pas t'as fait aussi toi la vidéo City Paris. Ah ouais, moi j'ai fui pour les raisons inverses. C'était que nous on y était avec. Alors déjà on avait fait un sublime spectacle. Moi j'étais pas, j'avais dit non. C'était. Mais moi j'en avais fait. J'avais fait du Japan Expo et des trucs avant qui sont Paris Games Week. Mais qui sont Paris Games Week j'ai jamais fait, mais Japan Expo. C'était plus mon truc parce qu'il y avait. J'ai l'impression que ça mettait plus en avant le côté fiction web, web série, trucs comme ça. Mais déjà, ça m'angoissait un peu. Et du coup, Video City, c'est vrai que je le sentais pas trop. Ça ressemblait beau. C'était présenté par pas L'Oréal, mais enfin, c'était vraiment des grosses marques. Fanta, ouais, je sais plus. Ouais, il y a Fanta. Toujours Fanta, c'était l'époque Fanta. Il y a eu d'abord Orangina, puis l'air Fanta. Mais non, c'était horrible. Nous, on avait fait un spectacle avec Golden Moustache, mais en fait, qui était en fait un show de McFly et Carlito et nous on était assis derrière sans micro donc c'était cool pour participer quoi, c'était vraiment génial donc en fait on ça a l'air bien c'était c'était un enfer. Et après ce que tu disais, le côté salon de l'agriculture et tout, les foules de gosses qui sont Vous tout le monde devait venir vous voir en plus parce que à l'époque c'était la grande époque et puis mais même il y avait vraiment, tu sentais les gosses qui juste étaient un peu hypnotisés par la célébrité plus que par il y a des gens devant toi quoi. Il y avait un truc il y a des gosses qui m'ont demandé des dédicaces, je pense qu'ils savaient pas qui j'étais, ils avaient juste vu que j'étais un invité, tu vois. Surtout Golden Moustache où parfois les gens connaissaient par sur I4 ou Carlito, et là d'un coup il y en a 30 et du coup tu prends les dédicaces de tous. Mais et moi du coup j'avais fui, j'étais au bout d'un moment, je suis allé déjeuner dans un resto pas loin et après je suis pas revenu et j'ai dit demain je reviens pas, c'était trop oppressant quoi. Donc le matin t'étais en stress mais t'as quand même déjeuné en paix. Non mais c'est vrai, t'as bu ton café en riant. mais en fait c'est que je trouve pour moi le concept qu'il y avait c'était juste rencontrer des stars. Comme tu dis, Japan Expo machin, t'as peut-être des petites activités. En fait, t'as des conférences, il y avait quand même un peu des excuses. Là, c'était rencontre des stars, fais des photos avec eux. Mais moi, c'est ça qui m'avait mis hyper mal à l'aise. C'était que c'était genre. T'admires 30 pas... euros, c'était 35 balles, c'est je sais plus. Cher, t'admires pas le travail de quelqu'un, t'admires le fait qu'il est célèbre en fait. Exactement. Et il y avait un côté, je trouve, hyper malsain quoi, de glorifier ça au lieu de dire non, mais mettez en avant le travail des gens. Là, c'est genre, regardez, vous aussi, vous avez envie d'être célèbre, et eux, ils sont célèbres, enfin, célèbres entre guillemets. et je trouvais que c'était vraiment une image un peu nulle à, ouais, à transmettre quoi. J'avoue, mais nous on connaît bah moi par Games Week, vous Japan Expo, etc. Mais à l'époque, les youtubeuses, il y avait rien du tout comme salon pour elles. Oui. Et ouais, donc c'est vrai qu'il y avait aussi un besoin de bah en fait j'ai jamais rencontré ma communauté, et je vais pas dire bon bah on va dans un bar. Ouais, non mais il y avait bah, oui, cela oui. dit si d'ailleurs il y avait les trucs des meet-up qui étaient un peu c'est les vrai, trucs c'est vrai qu'il y a eu que chacun fait de son côté. Mais ça a été ouais un peu toute cette période et ça a peut-être permis après de pousser, mais c'est vrai que c'était mais en fait c'était mal, enfin il y avait c'est pour ça que ça y a plus d'ailleurs. Il y en a eu deux, hein, je crois. Mais oui, puis c'était fait pour les mauvaises raisons. Enfin, ça peut être cool. Moi, j'avais fait un truc qui s'appelait Néocast à Strasbourg, qui avait aussi ses défauts, hein, attention, mais qui était beaucoup plus peace, quoi. C'était un truc beaucoup plus. Bah, t'as un peu de YouTube entre guillemets. C'est vrai que nous, on a toujours un peu observé ce truc-là. T'avais le YouTube des Rostas avec du Andrei Phoenix, du machin, du Norman, et machin. Et t'as un peu plus les nerds, les Antoine Daniel à l'époque, les joueurs du grenier. Bah, c'est marrant, ils sont tous finis sur Twitch au final. Mais tu vois, ça, t'avais un peu deux familles qui se rencontraient pas trop, et Neoka c'était plus la deuxième famille, mais du coup c'était assez chouette parce que pour le coup t'avais un public qui était pas du tout intéressé par la célébrité mais plus par le contenu que tu proposais, qui avait aussi envie de créer. Il y avait des vrais masterclass plus mature, plutôt intéressant, ouais, un public un peu plus mature. Moi là, moi perso, j'aimerais tellement plus aller dans un truc comme ça. Ou Frames après, après c'était pour moi le meilleur truc, exactement. Mais sauf dans la salle où faut regarder de côté comme ça. Ouais, c'est pas terrible, la salle est chelou, c'est pas terrible, le conclave c'est pas ouf. Après on est en train de chier sur le conclave du Palais des Papes, non mais qui est un endroit plutôt joli. Ça a l'air de faire vraiment de faire mal. Non mais ça va, tu regardes sur le côté. Mais cela dit, t'en enchaînes 3 dans la journée, je pense peut-être, qu'on a marre. Peut-être. T'en as vraiment marre. T'as envie de changer de place, quoi. Cela dit, c'est pour ça que nous, on voulait éviter de faire le floodcast là-bas. Pour à la base, on devait pas le faire là-bas. Mais c'est vrai que les deux côtés devraient tourner. Ouais. Pause. Pour vaincre sa timidité, un Strasbourgeois a lancé des rendez-vous dans un parc. À votre avis, ces rencontres se sont faites à quelle occasion? Qu'est-ce qu'il a proposé? C'est à des inconnus. Hein. Pour Ken? Non. Avec des chiens. Caresser son chien. Pour vaincre sa timidité, il a proposé de Ken à des inconnus. En public. Donc, il a bien, je crois que c'est une excuse, sa timidité. Je pense que après, c'est bon, t'es plus timide. On a tous nos failles. De le regarder se masturber. Non, pas du tout. Non. C'est pas sexuel. C'est pas mettez-vous sexuel. Là. Écoutez, mon album. Promener son chien. Pas promener son chien. C'est un truc où les autres sont amenés à participer à quelque chose avec lui. Petite. Jouer au foot? Non, mais on s'approche. Cache-cache. Pas cache-cache, mais on s'approche, un truc un peu ludique. Un peu... Oh, Squid Games. Non. De faire des blind tests. Go des calamars. De faire des quiz, genre blind test. Non, mais on s'approche. On est dans le prisonnier, des jeux. Des ouais, jeux, des jeux, comme des ça. Jeux, un jeu en l'occurrence. Société. Le char. Loup-garou. Un jeu de société. Non, pas loup-garou. Pour sociabiliser, c'est atroce. Un loup-garou. Un time's up. C'est l'inverse que de sociabiliser. Pas un time's up. Monopoly. Non. Un jeu très connu. Le truc des post-it. Des post-it sur la non, c'est pas ça, mais on est sur un jeu plutôt quand tu disais time's up. Mime. Des mimes. Pas Fortnite. Trivial Pursuit. C'est avec votre PC. Attends, plus dans le côté time's up. Ouais, plus de jeux de cartes. Bon, vous l'avez. Pog. Uno. Un ou non, exactement. C'est un jeune. Moi, je trouve que c'est la pire idée. Oui, non, les jeux de société, ça réveille tellement des trucs horribles chez les gens que tu le connais pas, vois que son côté manipulateur. Ouais, c'est ça. Tu fais putain, mais il est mauvais joueur ce con. C'est un article de je sais même pas qui c'est. Et, oui, c'est ça. Donc tu peux que l'insulter. Tu dis, de toute façon, je te connais pas. Plus 2, plus 4, non, t'as pas le droit, ta gueule. C'est quand même le pire jeu pour rompre des amitiés. Uno. Oh, vous trouvez pas? Putain, mais là, j'ai rien compris. Uno. Rompre des amitiés, il est tout seul. Ah non, j'avais même pas. Ah ouais, ouais, non, c'était juste comme ça. Banalité, juste faire une petite remarque. Banalité que les gens disent. Merci Florent. Ben non, mais j'ai voulu. Ah, il l'a trouvé, il a la chance. Ouais, trouve des blagues partout. Il te surestime, qu'est-ce que tu veux. il a trouvé le nom de mon prochain album d'ailleurs. Ouais, mais ça, on va pas le dire ici. Max Mabilia, c'est son nom, est un passionné de Uno. Pour combattre sa grande timidité, il s'est mis à arpenter les rues de Strasbourg dans le Bas-Rhin. J'aime bien qu'à chaque fois il précise la région. Et proposer aux passants de jouer avec lui au célèbre jeu de cartes, un concept qui rencontre un vrai succès. Ah ouais. Bonjour, est-ce que vous voulez jouer au Uno avec moi? Voilà comment Maxime débute une conversation avec un inconnu depuis plus d'un an et demi. Après le premier déconfinement, je pense que c'est lié. T'adores Adrien ou pas? C'est une question. Non, c'est mais je suis. Non, si, c'est cool en vrai. Il y a un article là-dessus. Ouais, non, mais ce concept n'est même pas de lui. En gros, il était né en 2018 lorsqu'il était en vacances avec des amis en Espagne. On jouait au Uno sur la plage et dès qu'on perdait, on devait aller voir des personnes des dans amis. La rue. On devait aller voir des personnes dans la rue pour les inviter à nous rejoindre. Comme je perdais souvent, c'était moi qui allais le leur proposer, nous raconte-t-il. Quelques années plus tard, il a envie de le reproduire à Strasbourg. Oui, bah c'est un article d'actu. Il se passe rien dans le monde en ce moment. Il est pas du tout timide. C'est par comme contre, Maxence qui dit qu'il a pas juste fan du Uno. Oh là là, qu'est-ce qui me saoule. Une seule chose peut provoquer. Par contre, niveau Covid, c'est pas ouf. Justement, oui, tu touches les cartes. Non, puis même, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu dois te poser, bah viens là-bas, on va se poser. Ouais. Enfin, c'est un setup, c'est pas un ni oui ni non, quoi. Oui, c'est vrai. Finalement, de nombreux passants trouvent le concept génial et acceptent sa proposition. La plupart du temps, ce sont des étudiants ou des personnes âgées entre 18 et 30 ans. Ils s'installent dans la rue, des parcs ou à l'académie de la bière. Oui, bon, bah voilà. Ouais. On... Non, sympa. Non, mais c'est cool. Bah, en plus, je me dis peut-être que les gens qui acceptent, c'est pas forcément les gros mauvais joueurs et tout, c'est peut-être des gens plutôt. Alors, cool, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il dit faut s'adapter à ses adversaires. Parce que la seule chose, selon lui, qui peut provoquer un débat sans fin, ce sont les fameuses règles du Uno. Je ne veux brusquer personne. À chaque soirée, je m'adapte à celle de mes camarades. Mais j'aimerais bien jouer avec les vrais. Un peu relou, Maxime. Ah, d'accord, ok. Non, il l'avoue avec une pointe d'humour. Une pointe d'humour, mais selon lui, ensuite, interdiction d'additionner les plus 2 et plus 4. Par ça, les créateurs de Uno ont fait une vidéo pour dire que c'était interdit. Mais moi, j'aime bien quand même. Mais oui, chacun sa règle. Mais oui, je suis d'accord. Surtout, moi, j'ai appris à jouer Uno en tôle. En tôle, c'est plus 2 et plus 4. Voilà, on en a rien à foutre. Quand j'ai fait 3 ans de même le droit d'égorger un mec avec une carte. Donc, ouais, donc c'est te dire. Mais donc voilà, c'est le petit truc qu'il fait. Alors, ça me fait rire parce qu'il conclut quand même l'article en disant. Il aimerait être sponsorisé. Il faut que je fasse des vidéos. Parce bah, contre sa timidité. Hein. Non, mais il le dit, je suis très timide. Désormais, j'ose aller vers les personnes. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi. C'est aussi une façon de parler du concept, car je rêve qu'il prenne de l'ampleur. Voilà. Mais il aimerait beaucoup être sponsorisé par Mattel pour faire découvrir les différents Uno qui existent. Ouais, bon, ça sent le mytho quand même. Là, dit, il a créé une petite histoire autour d'une mais prétendue timidité pour faire de l'oseille, quoi. C'est le plus vieux concept du monde, juste. Il nous manque un joueur pour jouer au foot, tu veux venir enfin... ouais. Ah ouais, ah, mais ouais, moi je suis trop timide, pour le coup, je suis trop timide pour demander à un inconnu de. Moi déjà, jouer au foot, j'aime pas parce qu'il y a des gens qui me regardent. Oui, non, mais c'est... je suis trop timide pour demander à quelqu'un que je connais pas pour jouer. Oui. Puis tu le connais pas, ça peut gâcher un peu l'amusement du Foot. Le foot est un bon exemple parce que quand t'es en galère d'une personne, t'es content que. Ouais. C'est rare d'être en mode dans la rue. Je l'ai tellement. Pour le Uno. Non, mais c'est que je l'ai tellement entendu dans ma vie quand j'étais petit. Tu veux venir jouer avec nous. Ouais, j'ai l'impression. C'est pas fou. Non mais lui c'est le genre de timide qui dit non mais je suis timide mais bon quand même je vais voir les gens, je fais un effort, je leur parle. Oui bah ça, donc t'es pas timide. Tu l'es plus, il y a un côté, c'est vraiment timide, tu peux même pas. Toi Maxence t'es un peu timide et en même temps confiance en moi. C'est ça. Non mais en même temps mais c'est non mais parce qu'on en fait des blagues. Mais en même temps tu es capable parfois d'une grande exubérance. C'est un paradoxe fou que moi j'arrive pas à comprendre. Mais qui je pense ça concerne plein de gens. Je te vanne là-dessus, mais je comprends totalement. Mais c'est marrant, mais c'est pour ça que j'aimerais bien en parler parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Toi, tu te l'expliques pas, c'est juste t'es très timide. Pour être très sincère, je me considère très introverti. Ouais. Et j'ai souvent la sensation que souvent je fais un effort. Ouais. Et que c'est con, mais il y a un peu l'image du masque que je dois enfiler un espèce de masque et me donner, mais que c'est pas vraiment moi. Et qu'après, quand je rentre chez moi, je me dis, mais est-ce que j'étais vraiment moi? Est-ce que. Tu vois, et j'ai une espèce d'introverse. Non, c'est pas une introverse. Si, introversion. Ouais, introversion, bien sûr. Des bodybuilders. Ce qui est paradoxal, parce qu'effectivement, je chante sur scène, tout ça, mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Parce que c'est pas vraiment moi. Déjà, timidité et introversion, c'est déjà pas la même chose, quoi. Ouais. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, aller voir des gens pour leur. Non, ça, j'y arrive pas. Mais c'est ça, mais moi, c'est pareil. C'est parce que moi, je suis pas forcément très à l'aise dans les interactions sociales vraies. En revanche, sur un tournage, j'ai jamais eu le trac dès mon premier jour de tournage, j'avais pas du tout le track. Moi aussi. Et parce qu'il y a un côté, oui, mais c'est pas vrai quoi. Donc c'est pas moi, donc je suis pas jugé sur moi, donc je suis pas dans une vraie interaction et tout. Mais après, moi, je me chie dessus d'aller demander un truc dans un magasin ou un truc comme ça quoi. Tu vois. Mais sur un tournage où tu bosses et. Ouais, c'est pro, c'est... donc t'as pas. Ouais, il y a un truc où c'est pas. Moi, c'est avec l'expérience, quoi. Ça pour le coup, le truc des tournages et tout. Au fur et à mesure de faire et de voir que ça se passe bien. Mais c'est pour dire que c'est en fait ça se comprend en fait ce truc de. Oui, et puis c'est assez logique si t'es timide dans la vie et que le soir t'as une soirée donc du coup t'en fais un peu des caisses pour pas être timide. C'est moi j'ai parfois ça aussi et c'est vrai que c'est sur le chemin du retour où tu fais oh là là qu'est-ce que. Et trop bizarre, trop bizarre. Un truc débile. Enfin je sais pas si c'est bizarre ou pas mais c'est selon les jours des fois, selon les heures, selon Tu vois genre je le vois pas mal là parce que je fais pas mal de promos justement en ce moment. Pourquoi? Tu fais de la promo donc. Et il y a des fois où je. Un album. Bah oui, mais c'est un copain. Mais justement, il y a des fois où j'arrive à être. Relancer. Je sens que j'arrive à être hyper à l'aise, je fais plein de blagues, etc. Et je vais aller à une autre promo, je vais être un truc tout timide, je vais être très premier degré, machin. Ouais. Et c'est des choses que j'arrive pas à contrôler, je sais pas si c'est une histoire de contexte. Bah si, c'est ça. Ah ok, clairement. Bah je pense, hein, juste ouais, ça doit jouer quoi. Est-ce que les gens ils te mettent à l'aise dès le début ou pas? Est-ce que tu. Enfin, je sais pas. Et c'est un peu chiant de pas savoir le contrôler, tu vois, ça j'avoue. Ou des fois, bon, t'as un peu ce truc d'ego de. Je sais pas, il y a quelqu'un en soirée qui. tu sais, tu dis putain, il me vole un peu la vedette. Tu sais, j'ai un peu ça des fois. Bah oui, bien sûr. Oh, bon, on a vu à l'anniversaire que... vendredi. À l'anniversaire de Léopold, il y avait Big Flo. Et quand il y a Big Flo, ne sais pas de prendre la place. Parce que toute la place était. Il n'y avait pas prise. Que lui. Hein, y a, y oui, y c'est vrai. Non, y mais beaucoup. Parce que. On va d'ailleurs tous les nommer. Alors. En fait, non, mais ce qui est dur, c'est que quand. T'as l'habitude d'être comme ça et que t'es le pote qui fait marrer. Oui. T'es souvent le pote t'es qui va nous dans faire. Ce rôle, quoi. Eh, ouais. Ce soir, tu vois, il y a Maxence, il va nous régaler. Ouais. T'es attendu dans ce rôle-là et du coup, des fois, t'y arrives pas du tout. Ouais. Et je sais pas, il peut y avoir une autre personne. Tu te dis merde, pourquoi moi j'y arrive pas là? Tu vois, t'as une espèce de comparaison. Et... Oui, mais je pense que c'est là ton problème en fait. C'est que tu dois, faut que tu te détaches de ce, ce qu'on attend de toi en fait. Ouais. Tu là, peux juste être toi cette soirée sans avoir été en mode waouh, ce qu'il a mis. Ouais. Voilà. Bah merci les gars. Non, bah, voilà. Merci, bah, voilà. C'est cool. Ça fera non, mais, 45 mais euros. Mais c'est marrant, là on part dans un débat, mais c'est vrai que la pression du mec marrant. C'est et horrible. Que tu te mets ou genre putain il va falloir que je sois marrant parce que c'est l'image que j'ai et tout. Et j'existe et que par que... ça je crois, il y a voilà. Un peu un truc comme ça, je pense pas intéressant. Que... Mais là je l'avais tu vois aujourd'hui là avec le podcast, ouais, je vous en ai parlé juste avant. Mais moi je pense que, enfin moi je suis que plus vieux que toi et je me suis détaché de ça où il y a un côté bah des fois je suis pas marrant, je suis juste même sinistre. Non mais en vrai bah voilà ça, c'est pas grave t'es quoi. Comme ça et t'y vas quoi. Et du coup t'es d'autant plus je pense, d'autant plus marrant quand c'est spontané et ça vient de toi quoi, t'es pas dans un rôle. Mais Béa, toi, non, mais c'est super intéressant. Non, mais t'as raison. Et toi, Béa, c'est marrant parce que tu as l'image de quelqu'un de très sociable. Parce que voilà, t'es animateur, tu fais j'suis des streams hyper à l'aise. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou est-ce que c'est quelque chose que t'as en toi? Est-ce que. Non. En vrai, moi, c'est pareil. Hein. Je suis. Bah, je pense le fait d'avoir ces deux classes et tout, tu sais, j'ai eu ce truc un peu de. J'ai fait rire pour, pour un peu t'intégrer. Bien sûr. Et non, moi j'ai carrément ce truc en fait de timidité. Mais c'est toujours particulier parce que je pense que dans le milieu d'internet, etc., on est beaucoup pareil. C'est-à-dire, t'es très timide dans la vraie vie et que ça soit un rôle, que ça soit en stream ou autre, bah, en fait tu peux te lâcher. Mais être face à 15 000 personnes en live. Bah t'es face à un écran. Tu me mets face à 1500 personnes au théâtre en mode salut tout le monde. C'est pas la même quoi. Ouais. Et moi par exemple sur les soirées et tout en fait j'anticipe et j'angoisse en avance. C'est-à-dire qu'il y a plein. Là par exemple j'ai aucun stress à venir parce que je connais le podcast etc. Et c'est un côté pro mais c'est même pas. Enfin c'est de la discussion. Non, c'est tranquille. Non mais tu vois c'est balèque. Mais par exemple vous m'auriez invité à une soirée. Ouais. Je me serais posé 20 000 questions. Et je serais sûrement pas venu parce qu'en mode, bah, en fait, je connais qui, truc. C'est vrai que les soirées. Ouais. Ah, mais moi, j'ai fait que Dodge et j'ai essayé petit à petit de commencer à me dire, vas-y, je vais y aller. Souvent, quand je repars, je suis content, c'était sympa. Ouais. Ouais, mais mes premières réflexions, c'est non. Bon, en fait, pourquoi je vais m'infliger ça ou autre? Et là, j'apprends de plus en plus à y aller, à me dire, ok, vas-y, un peu ce même truc de te force pas à jouer le truc. Moi, j'ai pas la pression du mec marrant. donc, je suis tranquille. Mais juste, y va et tu vois bien. Quoi. Mais ouais, un peu ce même truc de timidité où t'essayes de passer des étapes quoi, petit à petit en mode ok, j'y vais, c'était pas mal, je pourrais le faire la prochaine fois. T'as un peu expliqué la genèse d'ailleurs de ce podcast, puisque c'est un peu ça, c'est genre oh, les soirées, c'est stressant et tout. Sinon, on dit à des gens de venir autour d'une table à cause de sujets qu'on choisit, c'est parfait, c'est ça. Génial. On maîtrise le nombre de gens et les sujets. Et qui on invite, qui on a envie d'inviter. Dictature quoi. C'est ça, en gros, nous c'est notre truc. Ah, tu vois, toi avec les fourmis, on fait ça avec des êtres humains, nous voilà, ça c'est notre kiff. Mais bah, cela dit, maintenant tu fais aussi tu présentes des énormes événements, des trucs comme ça aussi quand même. T'as aussi un truc avec beaucoup de gens devant toi, voilà. C'est pas énorme, enfin là avec le Covid, il y a eu moins, bien sûr. Mais là j'avais fait Roland Garros où t'arrives sur le central de Roland Garros, le Philippe Châtrier avec Gaël Monfils, Benoît Paire, quoi. T'arrives et déjà, mais c'était ce même truc à la Paris Games Week. Je trouve ça bizarre parfois quand t'es. Acclamé, enfin ça fait vraiment le mec petit prince, ça fait trop bizarre. Et, tu sais pas... et t'as l'impression que tu sais pas pourquoi. C'est genre, et moi je suis pas artiste, par exemple Paris Games Week, tu montes sur scène, t'es en mode sans pas légitime. Salut les gars, les gens t'appellent, t'es en mode bah je vais pas faire de vanne, je vais pas chanter, je vais peut-être poser mon cul et juste jouer un jeu. ça va tout le monde. Donc non, après avec les gens, petit à petit, avant c'était chacun chez nous, ensuite moi j'ai voulu faire des trucs un peu plus produits où j'invite d'autres personnes, que ce soit sur des concepts sportifs, sur popcorn ou autre. Et là j'essaye de temps en temps d'y mettre du public, mais quand ça a du sens, tu vois. J'ai pas envie d'avoir genre 100 personnes qui, quoi qu'il arrive, vont se marrer à ma blague parce que c'est prévu qu'ils se marrent et qu'ils vont faire de sale quoi. C'est un rejoint un peu peut-être un sentiment de légitimité, j'ai l'impression. Ouais, aussi, et de. Les gens applaudissent pas pour rien, juste parce que. Tu vois, c'est parce que c'est légitime, parce que t'as produit un truc ou que tu montres un truc qui fait que. Ça leur donne envie d'applaudir. Ouais, parce que c'est un moment cool et tout, ouais. Mais ouais, on s'était posé la question du public. C'est marrant, la question est revenue. On y viendra tout à l'heure, mais on a annoncé votre venue, donc les auditeurs posent souvent des questions et des gens demandaient si tu imaginais typiquement popcorn ou même des événements sportifs en public, quoi. Des choses, par exemple, quand tu fais du vélo avec tous les streamers ou des choses comme ça, devant des gens qui acclament et machin, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être. De plus en plus, mais ouais. Bien fait, tu vois. Comme je dis popcorn, j'ai pas envie que ça soit le truc où t'as des gens castés qui viennent relou. Et qui, quoi qu'il arrive. Tu sais, c'est bizarre ce rapport où. Je sais pas comment parler aux gens, mais moi je suis très peu dans des tournages, donc c'est que du live, tu vois. Mais quand t'as 150 personnes qui sont là pour toi, mais t'es à côté, je sais pas comment ça se passe. Et bien je pense que j'avais dit aux The Event, c'était un de mes donation goals, de faire un popcorn en public où les gens choisiraient la ville. Fait un gros truc aussi pour rencontrer les gens, un truc un peu spécial. Bah vous avez fait Floodcast, j'avais pas pu venir moi. Non, on avait fait le Bataclan. Théo m'avait dit, il y était allé, c'était trop cool. Et c'est vrai que ça donne envie. Mais du coup, de temps en temps, c'est un peu en one shot et. Là, j'avoue qu'au quotidien, vous le feriez avec 200 mecs dans le coin. Pas l'idée. Pas du tout. Mais ouais, donc un peu pareil là-dessus. Ouais. Bah écoutez, la transition est parfaite. Passons directement aux questions des invités, puisque j'ai des auditeurs, pardon, pour les invités. Moi, j'en ai une, mais elle a dû être posée plein de fois. Vas-y. Team sucré ou salé alors? Sucré. Alors, quelquefois. Je vais répondre moi aussi. Je déteste les popcorns salés. Vraiment pas bon. Je croyais les popcorns tout court. Ouais. Ah non, les popcorns salés. Ah oui, on est d'accord. Mais il y a vraiment des gens qui aiment vraiment bien. Oui, C'est 60-40, tu vois. Ouais. Je connais un peu le sujet. J'imagine. Renseigner, tu vois. T'as le bras long dans le popcorn maintenant. Ah, on pose différents buckets. Je vais commencer par celle-là d'ailleurs, PA, parce qu'on en parlait plus ou moins. Est-ce qu'il y a des invités qui t'ont impressionné? Des invités qui sont venus à Popcorn, ou peut-être tu disais Roland Garros, je sais pas tous les trucs que tu as fait dans ta carrière, mais en tout cas quelqu'un que tu as rencontré Djokovic. Dans le cadre de ton travail. Trop fort, le revers. Et où en amont t'étais un peu angoissé. Parce que Popcorn, là, il y a quand même, en invité, il y a des gens maintenant de tout milieu. Vous avez eu Thomas Pesquet, vous avez eu Alexandre Astier, il y a plein de gens qui sont. Thomas Pesquet, on l'a eu à distance, donc c'est un stress, etc. Il était dans la station. Il allait y aller. Et non, c'est peut-être Alexandre Astier qui. En fait, quand t'apprécies quelqu'un, tu sais que le mec est plus qu'intelligent. T'es en mode alors, va falloir être bon, et c'est limite ce côté de pas le décevoir, parce il a pas fait trop d'émissions. Alors il a fait des trucs avec Axolotl, je crois, des entretiens, etc. sur YouTube, mais sur Twitch il était jamais venu, tu vois. Il avait demandé à ses enfants de dire c'est bien ça, je peux y aller, vous en pensez quoi, tu vois. Donc et il fait pas beaucoup d'émissions de télé, et si tu te foires, bon bah tu sais, il aura une mauvaise image du truc. C'est que t'as la fanbase derrière qui vraiment chaque moment où il peut le voir quelque part, tu sais, regarde quoi, elle l'attend. En vrai, c'était plus sur le côté de, tu sais, genre le décevoir lui, d'être en mode ah c'est ça donc perdu mon temps. Et en plus lui, enfin, il a quand même un tempérament, tu dis il y a moyen qu'il aime pas, c'est ça va se voir en plus très vite. Je pense qu'il aura les bras croisés comme ça. Mais du coup merde, on l'a fait tous les deux. Mais non, Astier, récemment là on a eu Didier Drogba qui est venu avec le Ballon d'Or, parce qu'il le présente. Donc t'as le vrai Ballon d'Or, tu sais, devant toi et tout. Mais au-delà de ça, c'est un joueur de foot, moi, qui a été quand même une légende, et qui, au-delà du terrain où déjà le mec est exceptionnel, le gars concrètement il a fait des trucs pour son pays, la Côte d'Ivoire, ou pour l'Afrique. Enfin, il a concrètement arrêté une guerre, quoi. C'est-à-dire qu'en 2006, quand il se qualifie la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, il y a les rebelles, justement, gouvernement, etc. C'est guerre civile, quoi. Le mec il prend la parole pour apaiser les tensions, et derrière ça se calme dans le pays. Donc tu sais, c'est des trucs qui vont au-delà du sport, où tu parles quand même à des monuments qui sont aussi un peu plus âgés, qui ont plus d'expérience. Donc c'est un peu impressionnant, quoi. Mais sur le moment, ça va. Bah après, ça, parce que c'est des mecs marrants aussi, c'est toujours bien passé et tout. Mais le live, ça peut être super angoissant. Nous, à notre toute petite échelle, on fait jamais de live, et des fois je me dis putain, j'espère que les invités, ça va bien se passer, que ça va pas créer une ambiance de merde. Tu vois, par exemple, quand on a des fois des invités qui ont un humour un peu plus trash qu'un autre, ça peut créer des petites tensions, des machins. Toi, en live, tu te dis pas putain, il est peut-être pas rompu à cet exercice du live, est-ce qu'il va pas. Est-ce que ça va bien matcher avec les chroniqueurs, enfin pas le mot chroniqueur, mais avec les autres invités, avec non, ça va, non, après, ça va. Tu vois, t'as pas trop la peur que Didier Drogba lâche une dinguerie. Oh, Didier Didier, non, ça dégage. Donc non, ça va. C'est plus sur le mood qu'ils se sentent bien. Ouais. Et c'est un peu ce truc, de leur faire découvrir un univers. Tu vois, à la fin, je montre à Didier, ça c'est le chat, ça c'est machin et tout. Et c'est pas une mission non plus, hein. Non, messager c'est de Dieu, tu sais. Tu fais découvrir quand même l'univers, donc t'as envie qu'ils se disent ah putain, j'étais là-bas, c'était cool. Et le traitement potentiellement par rapport à la télé est aussi un peu plus sympa. Tu vois, j'avais regardé Quotidien avec Astier. C'est vrai que bah, t'as 7 minutes de discussion et ils lui font redoubler les affiches qu'il avait fait. Quoi. Ouais. Tu vois, et du coup, c'est un truc où j'étais en mode, ok, je pense qu'on a fait un truc sympa où il peut s'exprimer, faire de la promo, mais que ça soit pas que de l'invitation. Allez, t'as fait tes 5 minutes de promo maintenant. Ouais, ludique, quoi. C'est ça. Mais du coup, pour l'instant, ça s'est super bien passé. Mais on est aussi, on fait attention à qui on invite. Mm-hmm. On a eu des grosses propositions de gens. On était en mode, bah non, ça va être trop promo ou des films qui nous plaisaient pas trop ou autre. Ah, tu vois, c'est donc, cool. C'est bien. On essaye de faire attention. Ouais, ouais, pour pas que ça soit toutes les semaines juste quelqu'un, on s'en fout et raconte toute ta vie, vas-y. Tu es connu. Oui, voilà. Dis-nous les choses, homme connu. Voilà. Maxence, merci pour cet album qui m'a fait du bien à mon hiver. Voilà, je te le dis, parce qu'il y a des fois il y a des petits compliments avec les questions. C'est gentil. Quelle est la chanson? Alors, il dit la chanson préférée. En tout cas, j'imagine c'est toujours difficile. C'est comme choisir entre ses enfants. Mais peut-être la chanson qui peut-être la plus importante pour toi. En tout cas, ou celle qui est sortie le plus. Bah, c'est Poids Lourd. Oui, j'allais dire. Non, mais alors, c'est vrai qu'il y a une chanson. Bon, pour ceux qui l'écouteront ou la liront, qui l'ont peut-être déjà écouté, comprendront, mais forcément qui a été un peu plus dur à écrire que d'autres, et qui a été même plus limpide. Enfin bref, parce que là pour le coup c'est clairement un truc qui s'est passé et que j'ai eu envie de matérialiser sous forme écrite. Alors que souvent moi j'aime bien romancer des choses ou inventer des choses. Bref, là pour le coup il y a beaucoup de vécu. Et disons que forcément donc il y a une espèce de valeur sentimentale assez forte dans cette chanson et surtout ce qui était assez dingue c'est en fait moi j'ai fait une petite tournée avant que l'album sorte. Et je sais qu'à chaque fois il se passait un truc en live quand je chantais ce morceau. Il y avait un espèce de silence qui suivait et je sentais qu'il y avait une émotion assez intense qui était partagée. Et oui, parce qu'on a tous, enfin, on a beaucoup de gens ont traversé ce que tu as traversé voilà. Donc c'est quelque chose qui est bien sûr très émouvant. Ouais. Et disons que rien que pour ça et pour cette espèce de flottement et d'instant un peu où tout s'arrête, qui est partagé. Et les émotions que ça procure, bon, ça a sonné très bateau, mais je fais de la musique pour ça, quoi. Non, mais c'est pour les. Non, mais c'est parce que j'ai besoin de coucher des émotions et de les matérialiser en quelque chose parce que c'est trop présent à l'intérieur de moi et j'ai besoin d'en faire un truc. Et le fait que ça arrive à procurer encore des émotions aux gens qui l'écoutent, du coup, c'est incroyable cette espèce d'échange et de partage. Et ça permet de se sentir moins seul, je trouve. Nous, moi, je fais des trucs plus bateaux, enfin plus mignonnets, tu vois. Mais quand il y a des gens qui étaient touchés par des vidéos ou des courts-métrages, c'est vrai qu'il y a ce truc cool de se dire, au moins, on n'est pas. C'est juste pas se sentir seul, utile, en fait. Ouais. Se sentir utile. Utile, alors, moi, je sais pas si c'est ça, mais c'est en tout cas pas tout seul. Non, mais tu peux te trouver. Moi, en fait, je pars du principe. Je sais que quand j'étais ado, j'étais fan absolu de groupes musicaux. Ouais. Et je pensais sincèrement la phrase que des fois j'entends, et je trouve ça dingue, des fois j'entends « ta musique me fait du bien dans des moments, m'aide dans des moments, le fait d'aider ». Et je sais que moi je l'ai pensé, vraiment, que si j'avais l'artiste devant moi, je lui aurais dit ça. Du coup j'ai l'impression que c'est sincère venant d'eux, et rien que cette phrase-là, même si c'est 1 ou 10 personnes qui me le... ça vaut tellement le coup en fait de faire ce métier. Tu arrives à aider à passer des bons moments à des gens, même dans le divertissement, tu vois, mais en faisant rire. Les gens qui disent, tu me fais penser à autre chose pendant quelques minutes, quelques heures. Enfin bref. Et du coup, j'ai l'impression de vraiment faire ce métier pour ça. D'accord. Et d'accomplir un peu un but, quoi. C'est le but, en fait, c'est divertir les gens. Bref, ce morceau-là, particulier, pour vraiment l'émotion ressentie, c'est vraiment le truc où j'ai eu le truc le plus concret devant moi, quoi. Très bien. Après, évidemment, tous les morceaux sont super. Bien sûr. Et je les adore. Il n'y a pas une merde, tu peux le dire. Il n'y a pas une merde. Question pour Domingo. Tu as fait beaucoup de défis sportifs sur Twitch, mais est-ce que tu as déjà abandonné un projet car trop compliqué, soit à mettre en place, soit physiquement pour les streamers? Une idée où tu t'es dit, ah, pas con, et après tu t'es dit, pas trop, parce que j'ai beaucoup mis les streamers dans des trucs difficiles, mais pas non plus. T'es pas. Tu fais un five, quoi. Au pire, tu sors, quoi. T'es un peu blessé. Bon, voilà. Mais un truc à organiser, peut-être? Un truc un peu dur à mettre en place? Non, en vrai. Non. En fait, comme le live, c'est beaucoup de contraintes techniques, j'ai un peu ce truc où. Pas j'ai tué des rêves, mais tu sais, de penser pratique et sert à rien d'avoir une idée où peut-être en 2032 tu vas la faire, quoi. J'étais en mode, ok, comment. Tu vois, le truc de vélo, au tout début, par exemple, l'échappée, là, où c'était la troisième fois qu'on le faisait, concrètement, c'est 8 personnalités que je mets à vélo sur une course et sur Zwift parce que c'est trop chiant à capter dans la vraie vie. J'adorerais faire une course, par exemple, parce que c'est l'enfer en prod. Au début, je voulais en faire 50. Tu sais, mettre genre vraiment 50 vélos, il y a tout le monde, t'as des pelotons et tout, et tu te dis, mais alors ça va être chiant. Et donc, du coup, tu réduis, t'adaptes, quoi. Mais non, le marathon, sinon, ça a été un gros truc de préparation personnelle où tu mets vraiment 3 mois à t'entraîner 4 fois par semaine, donc à peu près 10 heures par semaine de ton temps, où juste t'es obligé d'être prêt pour ça. Et là je suis content de l'avoir fait, mais les autres projets on va y aller un peu plus, je dois faire le Mont Ventoux genre en tandem avec Ponce, ça va s'entraîner une petite fois quoi. Il y aura peut-être une pause où ça va s'ouvrir une bière au milieu du Ventoux. Tu vois, ça va être un peu plus ça là prochainement, je pense. Adrien Méniel, je sais que tu as fait l'illustration de la pochette Pamplemousse Mécanique des Fatal Picard, et dans cet album il y a une longue track appelée On se demandait. J'ai l'impression d'y entendre ta voix, est-ce le cas ou pas du tout? Pas du tout. La personne se posait. Elle a quand même une autre question un petit peu plus profonde. Est-ce que les paroles, c'est les news du Floodcast? Son autre question, c'est tu sembles avoir un syndrome de l'imposteur. Bon, en tout cas, tu as peut-être pu passer par là. Oui, bah, comme tout le monde. Est-ce que ça t'a rassuré du coup de voir tes pairs et même des gens reconnus ou tout du moins appréciés par toi te complimenter sur ton travail et ou apprécier ce que tu fais? Ben oui, bah en fait moi ce que je disais, alors on va reparler de confiance en soi, mais le truc c'est que moi il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit bon, clairement j'ai pas confiance en moi, donc je vais substituer à ma propre confiance la confiance que me font des gens en qui j'ai confiance moi. Ça a été le cas justement les débuts de Golden Moustache, quand Vladimir Rodionov qui était le directeur artistique et qui m'a appelé pour venir être auteur d'abord, puis acteur, réalisateur et tout, un truc que j'avais jamais fait. Et vraiment, si je m'étais écouté, je me serais dit ça, je l'ai jamais fait, je vais me foirer et tout. Et puis bon, il y a eu un côté, bon déjà j'avais très envie de le faire, et puis je me suis dit bon bah ce mec là il sait ce qu'il fait, il me fait confiance, donc je vais oublier la confiance que je me porte à moi, je vais écouter ce qu'il dit lui. Donc je trouve que c'est un bon moteur de se dire bon bah j'ai confiance en cette personne, je respecte son taf et tout. Si elle en retour me fait confiance, écoutons ça et essayons de faire taire un peu les voix dans notre tête et voilà. Donc oui, et même encore maintenant, c'est trop cool. Bah quand j'ai tourné avec Ramzy, qui pour le coup quand j'étais ado, c'était Eric Ramzy. Ouais, c'était Eric Ramzy. C'est Eric Ramzy. Voilà, et quand après plus tard on me dit ah j'ai vu Ramzy, il m'a parlé de toi, il m'a dit que t'étais marrant et tout, je dis putain c'est trop bien quoi. Donc, même encore maintenant, ça nourrit un peu, ça fait un peu taire les voix quoi. Ça donne du matériel pour les faire taire quoi. Maxence, comment as-tu vécu ce premier mini-tour pour défendre cet album? Et est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais expérimenter plus largement? Comment se prépare un concert? Comment on y réfléchit? Est-ce que tu y pensais? Moi, j'ajouterais même, est-ce qu'on y pense même pendant l'album? Est-ce qu'on imagine? Parce que moi, je suis pas chanteur. Est-ce que quand on écrit le genre, on se dit, ah putain, ça en live, ça tue? Ouais, moi, il y a des morceaux même dans l'album que j'ai pensé quasiment que live. Ah, d'accord, en fait. Super. Du coup, même le fait de les écouter en studio, j'ai un peu un truc de, ah, ça rendrait tellement mieux. Il y a un morceau, notamment Banquise, qui pour moi est un peu quand je l'ai composé, quand on l'a composé, je l'imaginais à Wembley, tu vois, j'avais un peu l'image de Wembley dans ma tête. Alors effectivement, en live, c'est pas Wembley, c'est à 300 personnes, ce qui est déjà fou. C'est génial, Du coup, moi, dans ma tête, je m'imagine à Wembley, donc j'espère qu'au moins l'énergie, elle est visible. Mais ouais, effectivement, moi, j'adore le live. S'il fallait vraiment, beaucoup tu de gens de la chaîne. Ouais, le live, la chaîne. Bien sûr. Bien sûr. Le live. Voilà. C'est vrai. Oh là là. J'ai revu des images, bref, dans ma tête. Mais du coup, beaucoup de morceaux sont pensés comme ça. Et s'il fallait vraiment comparer studio live, moi je ne vis que pour le live. C'est à nouveau on parlait d'échanges avec les gens. Bah ouais, là tu forcément, peux pas. T'as pas quand on est plateforme de streaming. Et là tu peux même parler avec eux après. Enfin bref. Et préparer un live, c'est beaucoup de travail. Hein. Ouais. C'est beaucoup de travail. T'as commencé, écrire le spectacle. Ouais. J'ai fait ce mini tour, je le prolonge là au printemps. Super. Ouais, je sais pas quand sort le truc, si j'aurai annoncé les prochaines dates, mais il sort lundi prochain. Je sais pas je les annonce autour du 12 ou du 13. Bref, d'accord, okay. Pas mal de dates partout en France à partir de au printemps prochain. OK. Et effectivement là ça va être de la continuité, donc je vais me baser sur le truc que j'ai déjà fait et je vais essayer de voir peut-être d'étoffer un peu, etc. Mais effectivement, il faut en fait, t'as cette espèce de truc de dire, ok, je viens pas simplement chanter des chansons. Il faut que les gens se disent, ok, il y a une différence par rapport au studio. Il faut que la différence soit positive et pas différence, c'est juste qu'ils chantent trop mal et ils jouent trop mal. Non, il faut qu'il y ait une plus-value, tu vois. Et faut que ça vive. Il faut que moi, à terme, j'aimerais trop revoir comme j'ai eu sur une tournée des musiciens, que la musique vive, parce que c'est fait pour ça. Tu vas pas juste voir un mec qui fait play et qui chante. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas les lives que j'aime voir. T'as envie que les gens, voilà, soient divertis, qu'ils passent par plein d'émotions. Moi, j'essaie de Le côté un peu plus zozo, justement, j'essaie de le faire entre les morceaux parce que j'aime trop faire rire aussi, donc je fais des petites blagues entre les morceaux. Je le vois un peu comme un spectacle plutôt qu'un concert, en tout cas de ma vision. Et après, bah, ça dépend aussi du budget que t'as, etc. Mais effectivement, c'est aussi beaucoup de contraintes techniques. Là, bah tu ouais. vois, j'avais pas de, par exemple, d'ingé lumière. Là, à terme, je vais en avoir un, donc trop pareil, bien. Ça rajoute. Ouais. Comme des trucs au spectacle, c'est assez important. Oui, tu peux t'amuser beaucoup plus. Voilà, ouais. exactement. Et tu sais que voilà. Au fur et à mesure que le projet grossit, tu peux rajouter des trucs et c'est souvent beaucoup de contraintes techniques. Ouais, mais ouais. tu peux aussi trouver des petites mais idées. Mais c'est de la contrainte que aussi naît la créativité. Bien sûr. Je suis philosophe. Et de toute façon, moi je me suis toujours dit, et je pense que tu peux faire passer un concert de ouf dans une petite salle ouais. avec des petits moyens. Bon, bien sûr. Bah, grave. Et je pense que c'est même souvent le cas. Ouais, ouais, parce même. Que des fois, tu vois, Bercy, il peut y avoir des trucs de ouf. Le ouais, son mais est si pas t'es loin, ouais, même le son est pas ouf. Son, ouais. Ouais. Moi, j'ai vu Coldplay au Stade de France et bah il y a beaucoup de moyens. Mais la meilleure idée, c'est qu'on a tous un petit bracelet qui clignote. Non, mais je te jure. Et en gros, quand tu vas voir Coldplay, t'as un petit bracelet qui clignote. C'est synchro. Qui est connecté en wifi avec tous les autres bracelets. Les ondes. Ça fait des trucs lumineux dans tout le stade. Les ondes qui traversent. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, t'en as presque rien à foutre de ce qui se passe sur la scène. Que c'est juste, c'est ça, le t'as le stade qui clignote. Mais oui, c'est ça le problème. Et du coup, tu t'en fous un peu. Mais en tout cas, moi, je me dis, je suis satisfait qu'à partir du moment où je me dis, même si j'avais aucun artifice, aucune lumière, La chanson serait bien en live. Voilà, la personne est satisfaite, elle rentre chez elle est contente, elle se sent pas arnaquée. Ouais. Et de manière générale, j'ai l'impression que les gens ont grave apprécié ce tour, donc ça m'a grave mis en confiance pour la suite. T'as mis des ailes. Un peu, ouais. Domingo, la question est, je t'ai découvert avec ton live où tu réparais ta machine à laver. Un banger. Justement, entre parenthèses, live étonnamment très divertissant. Pourquoi étonnamment ? Est-ce que tu prends autant de plaisir en live sur une émission comme Popcorn en plateau avec des invités ou dans ce genre de live qui a l'air complètement improvisé, solo à l'arrache. Tout est écrit, hein, faut... Non, ça c'est. En fait, c'est différent. C'est-à-dire que le fait de faire des trucs comme Popcorn, des émissions un peu plus préparées, produites et tout, fait que t'es content de revenir dans ton studio et d'ouvrir le live, de pouvoir débriefer un peu, de partager d'autres moments. Ça, c'était vraiment juste. J'étais en live et j'avais une fuite, quoi. Donc j'étais en mode, soit je coupe, soit. Donc, et il fallait réparer. Je me suis dit, vas-y, ça va être marrant, on va essayer. Il s'avère que sur le live, il y avait un mec qui dépannait exactement ce type de machine. Il m'a pris en call Discord, il m'a tout expliqué. Génial, génial. Donc c'était trop cool. Mais c'est vrai que c'est ça aussi qui est bien en live, c'est que tu peux. Enfin, tu sais jamais vraiment ce que ça va être, quoi. Il y a des moments où. Soit tu lances tout live, t'as pas trop envie, mais t'es en mode petite forme de la journée, boum, il se passe. Enfin, il y a une atmosphère où. L'inattendu. Non, mais en fait, je me posais ça parce que le côté musique, pas je débarque, mais je connais pas tant que ça d'artiste. Mais c'est vrai que la première fois que tu montes sur scène et les gens, justement, quand t'as pensé une chanson que t'as écrite pour le public et que les gens connaissent les paroles et qu'ils vivent le truc, ça doit être un truc de fou, quoi. C'est incroyable. Tu te revois en train de l'écrire dans ta chambre, de raturer les mots, dire non, plutôt celui-là, machin. Et t'as des gens avec les chansons. Ah ouais, parce que nous on live juste ce truc de partager le même moment, etc. C'est déjà déjà trop bien. Et il y a un truc de un peu de, je sais pas, de thérapie de groupe. Quand tu commences à stream, au fur et à mesure, t'as besoin de ça, t'as besoin de rester dans cette dynamique. C'est un peu particulier, mais si je stream pas pendant un mois, ça me manque vraiment. Ce qui est dingue, moi, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle manière de consommer le stream. Maintenant qu'on s'éloigne de l'aspect niche gaming, etc., et que ça, c'est en plein essor. Moi, pour ma part, je suis devenu un consommateur de live. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça me fait une présence, quoi. Ouais, tu c'est vois beaucoup. Quoi que tu fasses, quoi que fasse mon streamer préféré, c'est vrai, ouais. Je m'en fous. Il est là, tu vois. Et je passe un truc, quoi. Et ça me rassure, ça me réconforte. Ouais. Il interagit avec les gens, je fais partie des gens, même si je suis silencieux. Enfin, tu vois. Et j'adore ça. Moi, je trouve ça trop beau, quoi. Et puis, pareil, moi, j'y connais absolument rien, mais dans ma façon de consommer, il y a même un petit truc un peu série télé. Ouais, je trouve assez fou le fait que quand il y a des, justement, des espèces de crossover, de crossover, de gens machin, et puis d'un coup. tu sais pas trop de comment, parce qu'il y en a un qui a joué délire, avec, il y en a un nouveau qui arrive, il y a leur délire, et puis il y en a un nouveau qui arrive et qui est grave marrant, et ça se passe. Tout ça, c'est vrai que ça, c'est super cool, quoi. T'as vraiment l'impression de suivre, ouais, mais, une série, quoi. Et en même temps, moi, j'ai le FOMO. Je loupe tellement de choses, quoi. Ça me fait chier, tu vois, de pas avoir le temps de. J'aimerais regarder tous les lives en simultané, tu vois, quand t'as deux streamers qui font, que t'adores, qui font leur programme chacun le même soir, enfin, tu vois, pareil que le The Event. Si t'as envie de tout voir, mais c'est. Il y en a qui font ça, hein, qui regardent plusieurs streamers. Ouais, moi, je sais pas comment ils font, vraiment, mais j'en vois souvent dans le chat qui disent non, mais c'est bon parce que je regarde en même temps, machin et tout. Je fais, comment vous faites C'est clair. Tu vois, c'est trop d'infos. Présence, là, c'est trop d'infos. Un Capharnaüm juste, mais. Et PA, comment pareil, c'est vraiment des questions de gars qui n'y connaissent rien, mais comment tu gères le quand le live se coupe? T'en as sûrement déjà parlé ailleurs, mais il y a sur des gros moments, j'imagine. Alors il y a évidemment le The Event, j'imagine que la décompression derrière doit être un énorme truc, mais même sur des lives où il se passe plein de choses, ou des lives où il y a plein de gens, où tu donnes beaucoup d'énergie, il y a eu le GTA RPZ, des choses comme ça, quand tu coupes. Est-ce que maintenant, avec l'habitude, c'est moins vénère, ou est-ce qu'il y a toujours cette espèce de sensation de vide où d'un coup tu parles à plein de gens et d'un coup il n'y a plus rien? En vrai, ça va, parce que maintenant ça fait 8 ans que je stream, donc c'est fou. Quand tu streams quotidiennement, moi je suis un des mecs qui stream le moins sur les gros streamers, etc. Et je dois faire entre 20 et 25 heures par semaine, tu vois. Et c'est déjà une bonne présence, tu vois. Mais majorité des streamers stream 50 heures, tu vois, ils sont en activité principale à fond là-dessus. Et. Je vais pas faire le mec sans émotion, hein, mais je vais pas surjouer le truc, mais après, c'est justement c'est une petite partie de mon cœur qui, qui se brise à chaque fois. C'est ça qui est intéressant. Non, mais en fait, c'est ce truc de continuité. C'est-à-dire que c'est ça qui est particulier, parce que d'un côté, c'est une masse, tu vois, où j'ai pas mal de gens qui me suivent, et là, qui vont faire 10, 20 000 viewers, tu vois, donc il n'y a pas ce truc qui pourrait être personnel, mais pour autant, tu vois, t'as les gens qui débarquent. Bah, là, je sais que je vais live juste après, tu vois, donc tu vas retrouver les gens, j'aime bien discuter un peu avant d'aller jouer. Et il y a un truc qui se met en place où. Bah en fait tu reviens le lendemain, donc tu vois il y a aussi ça, le The Event ça nous a beaucoup fait ça au début, tu vois. Bien ça sûr. A été que ça soit sur les chiffres etc, forcément ouais, l'émotion fais... le truc quand tu fais 400 000 on a fait tout premier, c'était il y a 6 ans, ça s'appelait même pas The Event, c'était Avengers, c'était 160 000 puis genre 400 000 puis on a dépassé le million, tu vois. Déjà 1 million t'es en mode waouh, et là ça m'avait fait un peu ce truc là de les chiffres deviennent tellement énormes que bah pas ça te déconnecte, tu vois. Mais t'es en mode 6 millions 7 millions, tu sais, oui, dans ton cerveau ça peut, enfin 1 million déjà ça peut plus process, quoi. Et mais du coup on en parle pas mal, tu vois, avec les streamers et tout, de chacun comment on vit le truc, comment le moment est toujours aussi magique, unique, etc. Mais tu l'as déjà un peu vécu. Alors à chaque fois c'est nouveau et à chaque fois ça va plus loin. Mais d'ailleurs c'est marrant parce que quand tu suis les events, c'est tout le temps les nouveaux qui font dans l'arme ou qui passent ça, quoi. Tu sens qu'il y a ce truc de se prendre ça en pleine gueule, qui rajoute un nouveau truc et que toi t'as aussi. Mais du coup bah tu sais, ça te met dans une nouvelle dynamique. Où moi j'ai bien aimé par exemple cette année aux The Event, être un peu avec les Inox, les Amine, machin et tout, un peu avec Ponce. Cette année j'ai l'impression encore plus, quoi, où il y a vraiment des nouveaux qui ont rajouté un nouveau truc dans le délire. Il y a plein de trucs qui se créent partout, quoi. Et du coup ça te fait j'ai eu beaucoup en fait des The Event où j'étais un peu solo sur mon stream à faire des trucs, etc. Avec ta commu. Et cette année, ça m'avait un peu manqué le truc de venir, on fait des choses ensemble. Donc, on avait fait un truc IRL, on était parti faire un bowling, un ping-pong, un machin, des activités et tout. Et du coup, ça te fait un petit quelque chose, surtout sur les très gros events. Il y a beaucoup la satisfaction aussi. C'est-à-dire, par exemple, Popcorn ou truc d'échappée ou autre. Bon, bah, t'es content, c'est cool. Et très souvent, c'est aussi les participants. Ça, c'est ça qui m'intéresse de. J'aime bien faire vivre une expérience aux gens qui sont là. Et souvent, genre l'échappée, les mecs devaient faire du vélo, ils en font pas. T'sais, je suis un peu en mode, j'ai pas envie que le gars il soit en mode, bah, c'était la pire expérience de ma vie, je me suis ridiculisé devant 200 000 personnes. Voilà. Merci, mec. Et souvent, c'est l'inverse, donc c'est cool aussi, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est ça, moi, que j'aime, enfin, sans envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, c'est qu'on sent qu'il y a une générosité. En tout cas, tu t'intéresses beaucoup aux gens que t'invites et tu les mets beaucoup en avant. Enfin, c'est souvent, c'est limite, avec ta présence, le seul point commun entre tout ce que tu fais, c'est que c'est avec d'autres gens et on sent que t'es très généreux avec eux, quoi. C'est typiquement l'échappée. Moi, sur le papier, ça ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai regardé parce qu'en fait, c'est trop cool de voir et des mecs très forts et aussi des mecs qu'en font jamais mais qui se dépassent. Il y a un truc un peu cool. Il y a des bonnes vannes, il y a des bons trucs. Vous commentez. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, je trouve ça vraiment bien. Chers amis, j'ai oublié de vous le proposer et je suis un con. Donc, si vous y pensez, c'est cool. Normalement, c'est le moment des recommandations. Oui. Si vous avez des trucs qui vous ont plu culturellement récemment, ça peut être film, série, livre. Bon, bah, tant mieux, vous avez. Heureusement, j'aurais pu éviter de m'humilier devant tout le monde. Commence pas par moi. Mais voilà, truc que vous avez vu en spectacle, streamer, peu importe. Bah alors du coup Maxence, quel est le truc que tu as aimé récemment et que tu conseilles à nos auditeurs? Moi, c'est une application mobile. OK. que vous connaissez. Ouais. Je vous ai montré, c'est un guitar héros pour les doigts. Ah mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a fait une vidéo, bah, d'ailleurs aussi avec PA, avec Mavla Carito, qui sort là, oui, bientôt. Quand là, on était dans le van. Et on était dans le van. Et ce gros con, pardon, on a tout le respect. C'est vrai que j'avais la nausée en plus. Il avait une nausée 2000. Il joue à un truc qui défile sur un téléphone portable. Et vous voulez pas regarder. Et on voulait pas regarder, non. Mon habileté avec les doigts. Et non, en vrai, c'est. Oula, j'ai fait un bruit avec mon chargeur sur la table. Non, c'est un truc qui s'appelle BeatStar. Et c'est marrant, ça a le même nom qu'une plateforme où tu peux acheter des beats justement pour les donc les ne confondez pas, c'est pas ça que tu conseilles. Oui, voilà. C'est comme un beat star et c'est une sorte de guitar hero, mais je le trouve hyper intuitif et enfin c'est cool quoi. Il est très satisfaisant dans le choix des touches quoi. Enfin ouais. Bref, je le trouve très bien fait et satisfaisant. Et ce qui est cool, c'est que ils doivent payer une blinde en droit parce que c'est des musiques actuelles. Comme ancienne. Ou alors c'est il pas ne genre paye des pas trucs. Et ça va fermer dans profitez-en c'est pas des trucs libres de droit etc. Non, t'as du Billie Eilish, t'as du non, c'est pour ça que je te dis du Lynyrd Skynyrd, enfin t'as plein de trucs et bref, et j'adore. Et en ce moment j'y joue beaucoup même si j'ai pas joué depuis 3 jours. Oh là, on peut plus, on peut plus. Parce que je joue à Ark Hero, je découvre l'application Ark Hero qui est alors, incroyable. Qui est quoi? C'est un jeu où t'as un mec qui balance des flèches. Oui. Oh, mais oui, il est trop bien. Ah, parce que j'y ai beaucoup joué au début, justement. Mais quoi, oui, c'est vieux, ça a 4 ans le truc. Moi, je le découvre maintenant. Et tu vas de salle en salle, t'as des donjons, t'as 50 niveaux par donjon, et en gros, tu dois faire mesure battre, et t'as des capacités à chaque fois que tu passes un niveau. Enfin, il est trop bien. Mais moi, j'ai tout le temps hyper complet. Pub sur YouTube. Ark Hero, il en fait partie, on l'a tout le temps. Ouais, sur des trucs qu'on l'air trop bien. Alors, je veux jamais le télécharger parce que je sais que c'est ultra addictif. Mais pareil, il y avait des petits bonhommes rouges et bleus, et tu les fais circuler. Non, c'est de la merde. Et ça faut. Et ils se prennent des trucs, et en fait, à la fin, il en reste plus qu'un. Enfin, tu sais, c'est toujours des jeux où t'as aussi le truc avec tu dois faire passer des bonhommes. Il y a soit de la lave, soit de l'eau. Oui, oui, oui, bien sûr. Et c'est jamais le gameplay. C'est ça, ouais. C'est qu'ils des pubs qui n'ont rien à voir avec le jeu. Genre Mafia. Le jeu Mafia. C'est toujours genre, tu vois un mec qui a écrit parrain, boss. Ah oui. Et genre, tu sais, ils font des actions, ils tuent le gars et ils montent en niveau, je sais pas quoi. Enfin, non, c'est juste un jeu de stratégie où tu dois. Un jeu de gestion, quoi. Enfin, tu n'as rien à voir. Ouais, un peu. Non, parce qu'après, tu vas pour la télécharger, tu regardes les photos, ça n'a rien à voir, les slides. Bref, en tout cas, BeatStar, si vous voulez, il y a un truc un peu en plus participatif. Moi, je joue avec des potes et on essaie de se battre. Moi, c'est Maxou 1050, si vous voulez me rajouter. Aïe, aïe, aïe. Okay. Et voilà, c'est terrible parce qu'en fait, j'ai aussi arrêté de jouer parce que j'ai un pote, Martin, mon musicien, qui est très fort en rythme et qui me bat sur tous les morceaux et je sais pas comment il fait et qui fait que des perfect plus quoi. Et bref, voilà. Donc si vous voulez qu'on m'ajoute et voilà, on s'amusera. Il veut battre des gens là. Non, je veux pas les battre. Il veut se relancer, justement, il y a un côté challenge. La fourmi. Il a des fourmis pour lui. Justement, il y a un côté challenge et j'aime bien essayer de rebattre quelqu'un, tu vois. Et donc Ark Hero aussi, tu dis. Ark Hero, ouais, c'est pas mal. C'est cool. Bourré de pub par contre ces jours, mais bon. Ah bah bourré de pub, évidemment. C'est comme ça que ça marche. PA. J'ai découvert récemment une série, mais il y en a beaucoup, donc c'est chiant parfois les recommandations séries parce qu'il y a tellement de trucs à mater. Non, intéressant. Mais Succession. J'avais jamais regardé, on m'a beaucoup parlé, etc. Alors c'est quoi? C'est sur HBO, mais c'est OCS, donc déjà faut pas mal de trucs. En fait, c'est concrètement une famille. En fait, c'est un PDG d'une multinationale, multimilliardaire, etc. Dans les médias, et il a 3 enfants et il commence à être de plus en plus vieux. Il y a la question de la succession. Donc du coup, avec ses 2 fils et une fille, profil hyper différent. Et c'est vraiment le côté coup de pute médiatique. C'est un peu inspiré, je pense, de Rupert Murdoch. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr, de Fox. Exactement. Ouais. Et c'est trop intéressant parce que c'est bien fait. C'est 1 heure l'épisode. Et ça fait longtemps que je n'étais pas dans une série où il n'y a pas spécialement d'action ou autre, mais où c'est cool. Il y a quand même un peu le côté marrant avec certains personnages. Et là, ce week-end, je me suis fait les 10 premiers épisodes. Ah ouais, et tu sais, j'ai envie de. Hier, dans Popcorn, je suis rentré. Je me suis fait 2 épisodes. J'avais envie de rentrer pour mater la série. Et c'est vraiment sympa, ouais. Ouais, super série, paraît-il. Moi, pareil, j'ai pas regardé, tout le monde m'en parle. Il paraît que ça change. Co-créé par Adam McKay, je crois, en plus, qu'un gars qu'on aime beaucoup, qui a réalisé le pilote, qui est le réalisateur de Vice et The Big Short, mais aussi de plein de comédies avec Will Ferrell. Nous, c'est de ça qu'on l'adore. Ouais. Comme Anchorman, dont j'ai le buste, je le rappelle. C'est vrai, c'est j'ai le mug, moi. Oui, c'est vrai que t'as le mug. Adrien? Moi, c'est un podcast que j'étais abonné depuis longtemps, mais j'ai commencé à récemment écouter. Ça s'appelle Featuring. C'est le podcast de Driver, le rappeur Driver. Et oui, pas le jeu de PlayStation. Non, rien à voir. Les gens les confondent, mais rien à voir. Non, en fait, c'est juste des assez longs entretiens avec des rappeurs ou rappeuses, quoi. Souvent un peu des gens. Enfin, moi, bon, après, j'ai aussi écouté plus des rappeurs à l'ancienne parce que c'est ceux que je connais le mieux, mais Oxmo Puccino, Bustaflex, tout ça. Et c'est surtout, bah, donc ils reviennent sur leur carrière, ils reviennent vraiment sur le tout début, comment ils sont arrivés, comment ils sont intéressés au rap, comment ça a évolué et tout. Puis ils ont beaucoup d'anecdotes et tout, enfin, c'est hyper intéressant. Et puis bah, Driver, lui, c'est une encyclopédie du rap, donc il rebondit hyper bien parce qu'il sait exactement de quoi tout le monde parle. Et donc c'est, bah, c'est cool, enfin, pour les gens qui s'intéressent au rap, à son histoire et tout, c'est un très bon podcast. Voilà. Super. Très bien. Et ben moi, je vous conseille un film qui est sorti il y a déjà quelques années. Qui est sorti en 2012, mais je l'ai vu la semaine dernière et j'ai trouvé ça génial. Il s'appelle Mud. Le titre français, c'est Sur les rives du Mississippi, parce que c'est, on est toujours très fort en titre français. Comment on pourrait faire vraiment beaucoup plus long. Ça a failli être Very Bad Mississippi. Hein, vraiment, soyez heureux. C'est réalisé par Jeff Nichols, qui est un réalisateur que j'adore, qui avait aussi fait Midnight Special, qui fait un peu des trucs d'auteur, mais en même temps, quand même, qui ont un peu de thunes. Là, le film, c'est avec Matthew McConaughey, par exemple. Mais pas que. Et c'est sur deux petits gars, un peu dans des familles fucked up, dans le fin fond, bah, du Mississippi, du coup. Et ils vont sur une. Ils prennent un bateau, ils vont sur une petite île qui est pas loin de chez eux. Et sur cette île, il y a un mec, Matthew McConaughey, qui vit comme un vagabond. Et ils vont un peu se lier d'amitié avec ce mec. Et ce mec a des petites histoires. Et en gros, c'est un peu mystérieux autour de qui il est. Mais en même temps, ils vont se lier d'amitié avec ce gars-là. C'est avec aussi Sam Shepard, avec Reese Witherspoon. Enfin voilà, il y a quand même plein de gens super. Ouais. Michael Shannon. Okay. Mais c'est un très beau film. Moi, c'est typiquement les films que j'adore. C'est très beau. C'est les acteurs sont ouf. C'est un peu marrant ou pas du tout? Ben non, c'est pas une comédie du tout. C'est plus une. Mais vu que c'est deux gosses potes avec un adulte, il y a un truc un peu. Enfin, je trouve que t'as le sourire tout. Enfin, t'as quand même d'accord, le. C'est okay. Mignon en gros quoi. Mais c'est pas une comédie du okay, tout. Ok, d'accord. Ok. Mais c'est sur MyCanal en ce moment, je sais pas pendant combien de temps. Après, sinon, c'est dispo, vous pouvez l'acheter n'importe où. Hein, mais c'est vraiment un super film que je pense plein de gens ont déjà vu, mais que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très cool. Donc, je vous le conseille, Mud sur les rives du Mississippi de Jeff Nichols. Trop bien. Bah voilà, bah, c'est la fin de ce Floodcast. On va faire un dernier tour de table pour parler un peu de ce que vous faites en ce moment, tout simplement. Donc, Maxence. Un album. Exact, ouais. Un parfum. Donc, et des dates de concert. Exactement. Alors, si tu l'annonces avant la sortie de l'épisode, à la limite, je pourrais le mettre dans les infos, si tu veux. Un lien qui mène à tout. Tu m'as dit lundi. Si ça sort lundi, c'est après le 12, en tout cas. Okay. Sache-le. Donc, si tu veux, tu peux le dire maintenant. Je te laisse 3 secondes. 3. Bah, en tout cas, je joue à Paris, pour, si ça intéresse, les 11 et 12 février au Café de la Danse. Voilà. Il y a Rennes et Nantes qui ont été reportés, qui ont déjà été annoncés, c'est en mars. J'ai plus les dates exactes. Mais voilà, un espèce toutes de tour de France. T'as un site où on peut voir toutes les dates? Ouais, sur mes réseaux. Hein. Sur tes réseaux sociaux. Sur mes réseaux. T'es quand même un gars qui est sur Instagram. Tous les deux, d'ailleurs, vous êtes un peu stylés. Parce que toi, t'as Domingo. Et c'est quand même fou parce que je me rendais qu'il y en avait 1000 Domingo. Et toi, t'es twitter.com/Domingo. Ah ouais, Twitter, j'ai réussi. Ouais. Et lui, c'est quand même instagram.com/Maxence. C'est mon prénom. Ouais. C'est son prénom. Ouais. Personne a son prénom en URL Instagram. Quand j'étais même. Trop fier. J'avais réussi déjà sur LOL, sur League of Legends, j'ai mon prénom. Ah ouais, ouais. Sur la Ligue du LOL, c'est toi? Terrible, Maxence, de dire comme ça, mais ok, d'accord. T'avais tué tout ce temps. Ouais, putain, c'est con que tu le dises maintenant. Au moment de l'album, t'es vraiment trop con. Ouais, franchement, tu t'es fait avoir d'un coup, quoi. Non, mais donc, sur tes réseaux sociaux, tu annonces les dates de concert. Exactement. Ça. Très bien, et sinon, tout est trop beau, ton premier album d'ailleurs. On en a pas parlé, tiens. Mais qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Exactement. Et en CD et en vinyle. PA. Ouais, bah si ça sort lundi, du coup jeudi soir je fais Talk Chef, un concept, on peut comprendre ce que c'est à peu près, où c'est deux demi-finales avec deux duos de streamers qui s'affrontent. Il y a dans cette édition donc Gigi Xari qui ont gagné les deux premières, Wankil, oui. Donc l'Inquiétera, Magla et Jill, Michou et Inox qui vont s'affronter en cuisine, justement pour faire de la bouffe. Ouais. Et il y a un jury composé donc d'Alexandre Marchand qui est le chef qui m'accompagne, de Sard et de Mister MV. Donc plein d'univers différents. Et c'est ce jeudi soir à 20h sur ma chaîne Twitch. Génial, voilà. Génial. Sachant que la dernière fois que t'as fait un truc de cuisine avec Jiraya, vous avez quand même révélé. C'est bien ça. Vous avez révélé au monde entier quelque chose quand même. Ouais, ça c'était dans ma cuisine, ça lui a fait du bien, ça l'a soulagé. Ah là, ça lui a fait le plus grand bien. C'était incroyable. C'était nécessaire. Maintenant il rase tout. Visiblement, il n'a plus un poil partout du corps. Adrien. Et ben moi. Hors de lui, toujours dispo sur France.tv. Hors de lui, toujours dispo. Ouais, France.tv. Je suis dans la petite histoire de France. Je suis un Gaulois. C'est un Gaulois de la télé. Je suis un Gaulois de la télé, voilà, tout simplement. Pierre Tchernia. Je suis. Pardon. n'importe quoi. Le Gaulois de la télé. Non, ouais, et puis je suis con, j'ai fait de la post synchro pour Derby Girl ce matin, j'ai oublié de demander quand ça sortait. Mais bientôt, puisqu'on est en train de faire la post synchro, donc ça arrive. Ça devrait arriver. Elle joue dedans aussi, j'ai un petit rôle. Mais oui, c'est vrai, oui. Maxence, il est dedans. C'est quoi, pardon? Derby Girl, c'est une série qui est sur France TV slash. Okay. Il y a une saison qui existe déjà, et là, on a tourné la saison 2 cet été, et okay. Du coup, ça arrive bientôt. Et voilà, et j'ai hâte de voir ça parce que pareil, ça fait un moment et tout. Grave. Mais bon, voilà, et sinon. Ah si! Ah putain! Attends, la semaine. Bah là, ça sort lundi, donc cette semaine, il y a un événement qui caritatif qui s'appelle Stream Against Muco. D'accord. C'est récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Et du coup, je vais. Là, ça fait un moment que je n'ai pas streamé, mais du coup, je vais faire des streams. Je vais faire des jeux, je vais faire des trucs comme ça sur ma chaîne. Quand je vais trouver le temps, parce que j'aurai d'autres trucs. Mais voilà, on sera plusieurs. Il y a beaucoup de gens. Et donc, voilà, je vais faire ça, je sais pas quand, mais dans la semaine, essayer de trouver du temps pour faire des trucs. Voilà. Génial! Cool. Trop bien. Et bien, quant à moi, c'est toujours le spectacle de Baptiste Le Caplain. Donc là, on a foutu sur YouTube un extrait du spectacle. Donc voilà, si ça vous plaît, c'est ça pendant 1h20. Et quelques dates comme ça que je vous balance à la gueule. Il sera à Bordeaux le 14 et 15 décembre, à Lausanne en Suisse le 18 décembre, à Lyon le 19 décembre à la Bourse du Travail, et du 21 au 31 décembre à Paris. Évidemment, si cette satanée vague de Covid ne nous nique pas, mais normalement ça devrait aller. Donc voilà, Bordeaux, Lausanne, Lyon, Paris. Après, il fait plein d'autres dates. Après, il sera à Arras, Meaux, Royan, Metz. Voilà, vous allez sur le site de Baptiste Le Caplain, et Baptiste qu'on va recevoir là dans pas longtemps. Donc voilà. Et sinon, les fêtes de Noël arrivent, donc toujours Ollie et l'Alien en bande dessinée. N'hésitez pas à mettre dans la hotte du Père Noël, bien sûr. Vous-même, vous mettez vous-même le cadeau dans la hotte. Ne l'achetez pas, mettez-le dans la hotte du Père Noël. Bon, merci beaucoup en tout cas, les gars, et puis merci encore à Poulpe et Vanessa de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.